Allez, nous revoili, nous revoilou. Non, non, il n'y a pas de complot mondial. Enfin, pas en ce qui concerne la Web TV Radio Étoile du Cœur. Non, simplement, j'avais fait une mauvaise manip. Et heureusement, merci, Jéhovah, de m'en être aperçu. L'émission, vous auriez pu la suivre en direct, mais elle n'était pas archivée. C'est pas la peine, alors. Alors, merci à Dieu, merci à qui ? Merci surtout à moi de m'en être aperçu, là. Nous allons reprendre cette émission en direct, Claire. Nous étions en train de dire que, tu t'en souviens de ce que nous disions, oui, à propos de mai 68, toutes ces belles idées généreuses, qu'étaient-elles devenues? Je sais plus. C'est de ça qu'on parlait ou tu m'as demandé, ce qu'elles sont devenues, je sais pas si c'était de belles idées généreuses d'ailleurs, parce que je pense que c'était la mondialisation qui avait envie de passer par là et qui, pour ça, essayait d'enlever tous les repères et toutes les valeurs des jeunes afin de pouvoir implanter les nouvelles idées dont qu'ils avaient besoin d'implanter. Je pense que c'est plus ça. Je pense que ça a fait plus de mal que de bien. Tu l'as vécu de quelle façon? Tu étais en France? Ah, moi, je l'ai vécu sans rien comprendre. J'ai pas compris pourquoi tout le monde était en grève. Oui, j'étais à Paris, je venais d'arriver à Paris, ouais. Après une expérience américaine? Non, après, je suis partie aux États-Unis en mai 68. Non, j'étais trop jeune. J'arrivais à Paris pour faire mes études. Ton itinéraire n'est pas banal, Claire Sévrac. Oh non, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ont un itinéraire pas banal. Oui, mais enfin, le tien, un papa occitan, une mère basque, ouais, qui ça, passe c'est normal. Ton enfance entre l'océan Atlantique et les montagnes des Pyrénées. Tu te souviens de cette période de ta vie? Complètement, oui, j'y reviens souvent. Enfin, je suis plus, peut-être plus Pays Basque que le Languedoc, le Bas Languedoc et la Montagne Noire, parce que j'y ai plus d'attache et les valeurs sont plus présentes. Mais j'aime bien les deux, ouais. J'y suis revenu il y a pas longtemps. Ouais. Dans quelle ville exactement? En fait, mes parents avaient des vignes entre Olonzac et Carcassonne, et ma maman est du Pays Basque, d'Espelette. Ah oui, d'accord. Ah oui, la Montagne Noire, je comprends, Mazamé. Ah oui, non, ça c'est du côté de mon père. Ouais. Et ma maman est du côté d'Espelette. Espelette, là où il y a le fameux le piment. Tout le monde connaît le piment. Exactement. C'est toujours du piment d'Espelette. Eh oui. Ce que l'on trouve dans le commerce. Ou ouais, y a-t-il encore des saloperies à l'intérieur? Non. Bah non, non. Non, chez nous, il n'y a pas trop de pesticides. Et le jambon de Bayonne Le jambon de Bayonne, il y a beaucoup de contrefaçons. Mais ouais. Le vrai jambon qui est fait dans les fermes, il est... Enfin, je veux dire, il y en a encore du bon, quoi. Comment elle se passe, ton enfance et ton adolescence? Tu es une petite bien fille. Bien et mal, parce que mon papa est mort quand j'étais très jeune, mais et donc voilà, je pense que j'en ai gardé une blessure qui fait que tu es peut-être un peu plus mûr, un peu mûr, un peu plus tôt que les autres, et aussi une révolte que n'ont pas les enfants qui ont une enfance normale, parce que quand il te manque ton père ou ta mère, c'est vrai que tu t'en prends, tu sais pas trop à qui t'en prendre. L'injustice est quand même grande, quoi. Voilà. Et alors, à qui tu confies tes soucis, tes joies, tes peines? J'ai une amie que j'ai toujours, qui est toujours restée ma meilleure amie, qui habite Dax, et voilà. Et tout le long de ma vie, Dieu sait que j'ai rencontré des milliers et des milliers de gens sur beaucoup de continents, mais elle est restée mon amie, ma vraie. Tu as été déjà voir des corridas aux arènes de Dax? Ah non, quelle horreur. Non, tu n'aimes pas ça, les corridas? Non. Pourtant, c'est la tradition. Arrête. Non, mais sérieux, Dax. Non, mais moi, tout ce qui fait mal aux animaux, je peux pas. Je pars en guerre contre les élevages industriels pour la même raison. C'est-à-dire que quand tu vois ce qui se passe dans les élevages industriels, tu peux plus manger de la viande, tu peux plus cautionner ça. C'est juste impossible. Tu ne manges plus de viande du tout? J'en mange un petit peu, mais je mangerai certainement pas de la viande industrielle. Je préfère manger du poulet une fois par mois ou tous les deux mois, mais de moins en moins quand même. parce que c'est absolument dégueulasse, c'est-à-dire que c'est bourré de substances qui sont pas bonnes pour nous déjà, et puis les animaux sont élevés dans des souffrances qui sont même pas discibles, on peut même pas regarder les vidéos ou entrer dans ce genre d'élevage sans vomir et sans avoir honte d'être humain, quoi. Je me souviens d'Axe, c'est là où j'ai eu l'immense bonheur de rencontrer Jacques Brel. J'étais tout minot, hein. Mais l'après-midi du 15 août, puisque tu sais, c'est la feria à Dax, il y a la fête de Dax, l'après-midi, il y avait un... J'y avais été parce que je connaissais rien du tout à la corrida, j'ai trouvé ça cruel, bien entendu, mais j'avais 12 ans et demi, ou 13 ans, ou 14 ans, je me souviens plus. Et il y avait un type qui s'appelait El Manites El Cordobès, voilà, El Cordobès, qui avait expliqué plus tard que lui non plus n'aimait pas la corrida, mais que quand on est un enfant espagnol et qu'on a faim, tu as deux solutions, soit être bandit, soit descendre dans l'arène. Et lui avait choisi d'être dans l'arène. Et je m'étais posé la question, mais ces taureaux, avec tout le stress engendré par cette coutume, géniale coutume de la corrida, tu sais que la viande est mise en vente après la corrida, dans les boucheries de Dax et d'alentour. Comment les gens peuvent bouffer ça, quoi ? Bah oui, mais enfin, je trouve qu'on est vraiment... Alors ça aussi, je pense qu'on est vraiment le moment dans l'histoire où je crois que jamais les hommes ont été aussi cruels avec les animaux. Au moins avant, quand les gens allaient à la chasse, c'était pour se nourrir, ou c'était pour quand ils tuaient un lièvre, ils invitaient tout le village et ça avait un côté convivial et tout. Maintenant, je vois, j'habite à la campagne. En face, chez moi, il y a un château qui est très renommé et qui lâche tous les... Pendant la période de chasse, ils lâchent 6000 faisans le matin, qu'ils ont nourris jusqu'à la veille. Donc les pauvres faisans, ils comprennent même pas pourquoi on leur tire dessus. Je trouve ça... Je vois des gens qui ont leur coffre plein de bêtes mortes et qui disent, qui demandent à l'entour, est-ce que vous en voulez pas, parce que sinon on va les jeter. Je trouve ça monstrueux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je crois que le faire du mal aux animaux, c'est monstrueux. Cela dit, oui, mais ils empoisonnent bien nos enfants. Donc que faire ? Moi, j'ai remarqué, mais c'est pas méchant. Hein, j'ai remarqué que les gens qui étaient très très doux avec les animaux n'étaient pas très bons avec les êtres humains. Comment être moitié moitié, quoi ? Pourquoi ? Parce que si tu regardes trop les animaux, tu n'as plus de temps à consacrer à l'être humain. Je sais pas, entre les deux. Oui, mais enfin, on n'est pas obligé d'être fanatique. On peut s'occuper de l'humanité, on peut s'occuper des humains, des animaux, des semences, de l'eau. On peut s'en occuper de façon raisonnable aussi. Mmh. Tous les gens qui s'occupent d'animaux sont pas des fanatiques qui n'ont rien à faire des êtres humains. D'accord. Je crois pas. D'accord. À 16 ans, tu étudies sciences politiques. Ouais, on va faire très court, hein. Oui, parce que vraiment ma bio, ça n'a pas spécialement d'importance. Ah si, Claire. Parce que si tu n'avais pas le passé, tu ne serais pas ce que tu es maintenant. Oui, mais enfin, ce qui est important pour les gens, c'est ce que j'ai découvert et qu'il vaut mieux qu'ils découvrent avant d'être terriblement malade ou gravement trompé. Après, ma bio, je sais pas si ça a vraiment de l'importance. Que ce soit moi qui le dise ou quelqu'un d'autre, je crois pas que c'est vraiment d'importance. Mais tu as écrit des chansons, tu as écrit des textes pour Charles Dumont. Oui, d'ailleurs, on avait un gros bisou de Désirless, ma qui copine, nous écoute, oui. Et je voudrais lui dire que je lui fais des gros bisous aussi, que je l'ai pas vue depuis longtemps mais que je suis ce qu'elle fait et que je lui souhaite plein de bonnes choses. Il y a Yul qui nous suit, il y a Cécile, il y en a des milliers qui nous suivent. Alors, Désir, enfin Clobis, hein, quand tu veux, tu es la bienvenue en direct pour parler de ton itinéraire à toi aussi. Donc la chanson Alain Barrière, David Soul, tout ça, parce que moi j'ai trouvé un album que tu m'avais donné où tu chantes avec Barry Mann, entre autres. Tu te souviens, tu me l'avais avec donné. Avec Michael McDonald, James Ingram, ouais, j'ai travaillé 12 ans aux États-Unis avec des gens extraordinaires, avec Donna Summer, Gloria Gaynor. Nord, Crystal Gale, Chicago. Que gardes-tu de cette période ? T'as complètement tourné la page ou... Oui. Ouais. J'ai tourné la page parce que quand je suis rentrée en France et que j'ai vu l'état de la chanson en France et surtout comment beaucoup de gens avaient vraiment la grosse tête, je crois que c'est difficile d'avoir travaillé avec Stevie Wonder qui était d'une gentillesse... et d'une humilité extraordinaire, et puis d'arriver, de se faire prendre la tête par des petits mecs qui sortent de télé-réalité, qui se connaissent rien et qui en plus ont un ego qui passe pas les portes, que c'était trop compliqué pour moi. Et ton regard sur la télé-réalité, je pense à cette émission qui fait fureur, c'est The Voice. Je travaille beaucoup, donc j'ai même pas le temps de regarder ce genre d'émission. Je regarde pas. Ouais. Non, quand je laisse tomber quelque chose, quand j'ai arrêté de chanter, j'ai arrêté de chanter. Et quand j'ai arrêté d'écrire des chansons, j'ai aussi tourné la page. Mais maintenant, c'est plutôt l'inverse. Je me demande comment j'ai pu passer autant de temps à faire des choses aussi futiles qu'écrire des chansons, alors qu'il y a tellement de choses graves qui se passent et dont on n'est pas au courant. Mais c'est justement ça. Ça te permet peut-être mieux de savourer ce que tu fais actuellement, d'être intéressé par des sujets qui sont quand même dramatiques. Ah oui, et puis quand j'ai écrit le complot contre la santé, je croyais avoir fait à peu près le tour de toutes les saloperies qu'ils nous faisaient. Là, je suis en pleine enquête puisque je suis en pleine écriture de la suite. Ouais. Et c'est juste innommable. C'est juste où que l'on se tourne, il y a des choses. Enfin, l'entonnoir est vraiment en train de se resserrer sur nous, quoi. Mais à qui profite le crime ou les crimes parce que c'est pas d'aujourd'hui que apparemment ça profite à beaucoup d'intermédiaires et puis à une petite cinquantaine de personnes qui sont très haut placées et qui sont actionnaires de toutes ces sociétés, que ce soit l'agrochimie, l'agroalimentaire, la pharmacie. Ils ont les mêmes actionnaires plus ou moins en sous-main. Mais donc oui, ça profite à ces gens-là. Et puis il y a une tonne d'intermédiaires qui veulent pas se poser de questions et qui n'en ont rien à faire d'empoisonner l'humanité. Ça va jusque-là ? Non, parce que les médias n'en parlent pas, tu le sais bien. Enfin, les merdias, comme je les appelle. Ils peuvent pas trop en parler parce que la pub. Parce que l'argent. Soit les médias appartiennent à ces gens-là, soit ils les tiennent avec leur budget publicitaire. Mais bon, ils font pas d'efforts. Enfin, moi, je leur en veux quand même beaucoup parce que je pense que quand on a fait profession, quand on choisit une profession et que sa profession consiste à informer les gens, on ne doit pas se contenter de lire les dépêches de l'AFP sans réfléchir, quoi. Or, de temps en temps, ils balancent des dépêches. On se demande même s'ils comprennent le sens de ce qu'ils disent, quoi. Parce que quand on est journaliste, normalement, on devrait se poser des questions et informer les gens et ne pas lire simplement les communiqués qu'on te donne et faire le perroquet. Ça me paraîtrait sur un point de vue d'éthique, je pense que ce serait important. Tu as un regard très négatif sur les médias, alors qu'elles pourraient être utilisées à d'autres fins que celles de désinformer. C'est ce que je te dis. Je veux dire que ma concierge soit pas au courant, que le mec qui est chauffeur de taxi soit pas au courant, qu'un prof en fac, je veux dire que comme moi j'étais pas au courant jusqu'à il y a 4-5 ans, on a tous le droit de pas être au courant, sauf si tu es journaliste. Si tu es journaliste, tu dois te poser des questions quand tu vois arriver des trucs, tu dois enquêter. Si moi je le fais, si Sylvie Simon le fait, si Pierre Hillard le fait, si Étienne Chouard le fait, si Alain Soral le fait, si tous ces gens-là le font, c'est que c'est possible. Et nous, on n'a pas de salaire pour faire ça. Donc, je veux dire, les gens qui travaillent, les journalistes qui sont appointés dans des gros médias, qui pourraient changer les choses, pourraient le faire. Mais simplement, s'ils le font, ils savent qu'ils vont se faire virer. Donc, ils préfèrent faire l'autruche et faire comme si ça n'existait pas. Tu te vois, un samedi soir, on n'est pas couché, avec Sylvie Simon, par exemple, pour en parler devant les deux. Caron est quand même végétarien et il n'a pas la langue dans la poche, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'ai jamais compris que vous ne soyez jamais invité. Non, mais tu joues l'imbécile. Chose qui m'a beaucoup amusé. S'il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé et beaucoup surpris, c'est que Natacha Polony recevait Christine O'Crane il y a quelque temps et qu'elle lui a carrément posé la question en direct en lui disant... comment se fait-il que vous alliez aux réunions du Bilderberg et qu'est-ce que vous avez à dire? Et on a vu une espèce de rictus terrible sur le visage de Christine O'Crane qui essayait de dire que c'était juste une réunion de gens influent et qu'en tant que journaliste, c'était normal qu'elle aille voir ce qui s'y passe. Et comme au Dîner du siècle, par exemple, voilà, aussi, oui. C'était très gonflé parce que autrement, j'ai pas vu beaucoup de journalistes en parler. À Carte Zéro, on avait parlé. Oui, mais il y en a pas beaucoup. Ouais. Moi, je me souviens d'une émission. D'ailleurs, je l'ai dénoncé dans mon bouquin parce que il y avait Jean-François Kahn et Yves Calvi et oui. Un auditeur a appelé. Oh, Yves Calvi. Et quand tu dis Bilderberg, tu prononces ça. Il fait, oui, il a dit Bilderberg. Non, on connaît pas, personne connaissait. Et en fait, bon, quand on regarde les listes des gens qui vont au Bilderberg, les plus grands journalistes sont invités. Il y a le pire dans l'histoire, c'est le siècle, par exemple, où la présidente du siècle est Nicole Nota. Comment on peut être à la fois, dans un syndicat où on défend les travailleurs et s'asseoir en même temps à la table avec les plus riches de ce monde, les gens les plus, les plus influents de ce monde et, enfin, il y a quelque chose qui m'échappe, quoi, ouais. Je veux dire. On peut pas faire. Mais bon, cela dit, c'est la même chose des politiques. La droite et la gauche, ils siègent ensemble. Enfin, ils se battent devant les caméras à l'Assemblée ou pendant les campagnes électorales. Ouais. Mais ils siègent tous au Dîner du siècle, par exemple, où ils vont tous au Bilderberg et sont tous ensemble. Moi, président, je ne recevrai jamais à l'Élysée les membres du PS. Et on vient d'apprendre que, recevez assez régulièrement. Mais je veux dire, on n'y arrivera pas. Je veux dire, ou on compose avec, ou alors on descend dans la rue, on refait la circulation. Je pense que c'est comme pour tout le reste. Je pense que c'est pas possible, c'est pas possible. Oui. Parce que quand, de toute façon, ils nous mentent régulièrement. Regardez le scandale du Mediator. Ils nous disent, chaque fois que ça leur éclate à la gueule, ils nous disent, non, mais là, c'est on un accident. Pas, c'est un dysfonctionnement du système. Mais là, on va faire une commission d'enquête et puis on va faire en sorte que plus jamais ça ne se reproduise. Mais ce sont vraiment des enfoirés, parce que je veux dire, ils savent très bien que c'est pas un accident, c'est pas un dysfonctionnement. Le système est bâti pour fonctionner comme ça. Tant que l'AFSAPS, alors maintenant, justement, il y a eu une commission d'enquête après le Mediator, où ils ont nommé Philippe Even et Debré. Debré, oui. Et résultat de la commission d'enquête et du rapport qui a été rendu, ils ont changé le nom de l'AFSAPS. Franchement. Et pourtant, Eben et Debré me semblaient tout à fait. Oui, mais eux, ils ont fait le rapport. Ouais. Après, le gouvernement, comme grande mesure, Xavier Bertrand a changé le nom de l'AFSAPS. Mais l'AFSAPS est toujours financé à 83% par les labos. Ouais. Les trois quarts des experts qui y siègent, ou enfin une bonne partie, ont des conflits d'intérêts. Et les autres, même si ceux qui sont de bonne foi, ils n'ont pour statuer si un médicament est bon pour nous ou pas, que les données du laboratoire. Donc avec ça, comment on fait? Comment on fait? C'est-à-dire qu'il y aura encore milliards d'accidents. Il y en aura tout le temps. Enfin, pas des accidents. Il y aura toujours des médicaments qui nous empoisonnent et qu'on laisse en circulation. Mais j'ai reçu, tu le connais au moins de nom, le docteur Marc Girard, il y a quelques semaines. Oui. Il est courageux aussi, Marc Girard. Oui, je l'avais oublié. Tu l'avais oublié. Il faut pas l'oublier, non, Marc Girard. Non, je l'oublie pas. Parce que c'est le premier que j'ai interviewé, en plus. Ils le font vraiment chier, là. Il est passé chez Calvi, et quand je l'ai vu il y a un mois et demi, maintenant, deux mois, il était vraiment abattu, Marc. Faut tenir bon, Marc Girard. Vous n'êtes pas tout seul. On est des résistants. Et même si nos voix ne sont pas très importantes, au moins, nous ouvrons notre gueule. Et tu en fais partie. Bah, je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'abord élever nos enfants ou nos petits-enfants en leur expliquant que la télé, c'est pas de l'info, c'est de l'intox, et que il faut absolument retrouver notre libre arbitre, regarder quand il y a quelque chose qu'on trouve bizarre, chercher les preuves, regarder d'où ça vient, pourquoi on a cette info et pas une autre, et regarder tout ce qui cloche. Et aussi, la seule chose qu'on peut faire, c'est dire à nos concitoyens qui sont pas au courant. Soyez moins cons, citoyens. Non, je dirais pas ça parce qu'on a tous été cons à un moment. Oui. Mais je veux dire, ne vous laissez pas avoir. Enfin, je veux dire, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Cherchez vous-même, retrouvez votre liberté de penser et retrouvez votre faculté de choisir, d'analyser, de vous faire votre propre opinion. Mais Claire, c'est vrai que tu le sais comme moi. Le net, le web, est la pire et la meilleure des choses aussi. Il y a beaucoup de bruit qui court, des rumeurs, des trucs, des machins. L'ordre mondial, nouvel ordre mondial, la marchandise, l'homme n'est pas une marchandise comme une autre. Là, quand on l'entend, l'ancien président dire l'homme n'est pas une marchandise comme une autre, ça n'empêche que le lapsus a bien foiré, quoi, tu vois. Mais je pense que nous avons tellement de soucis que nous pensons à autre chose. Ben, je pense que c'est ça, moi. C'est en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Je ferme ma question. Enfin, je complète ma question. Je ne la ferme pas. Au contraire, je l'ouvre. On nous met suffisamment d'informations tous les jours, que ce soit à la télé ou à la radio, pour nous faire penser à autre chose. Le mariage oui, pour mais tous, par ça exemple, a été un des moyens de faire oublier pendant par exemple, quelques temps. Voilà, mais par exemple, il y a encore 20 ans, on n'avait pas d'autres infos que celles que nous servaient les gros médias. Maintenant, on n'a pas vraiment d'excuses parce qu'il y a absolument tout sur le net. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses fausses et le plus gros travail quand on fait un travail d'enquête et quand on commence à regarder qu'est-ce qui se dit sur le net, c'est de chercher la preuve parce qu'il suffit pas qu'un site internet publie un truc pour que ça devienne une preuve. Les preuves sont les documents officiels, une interview filmée de quelqu'un ou quelqu'un qu'on va rencontrer, etc. Mais ça donne des pistes quand même. Et il y a quelques temps, je suis pas sûre que quelqu'un qui vivait au fin fond de l'Ardèche, etc., avait les moyens de se renseigner autre que ce qu'on lui servait dans les médias. Maintenant, tout le monde peut se renseigner. Tout le monde. Mais Claire, les gens dont nous faisons partie, nos frères et nos sœurs humains, sont tellement abreuvés d'informations et de désinformations. Comment faire comment savoir, comment trier le bon grain de l'ivraie? Parce que il faut savoir que quand on nous dit quelque chose, ça n'est jamais la vérité. D'accord. C'est une manipulation. En règle générale, ce qu'on nous dit, c'est pour nous orienter dans le sens où ils veulent qu'on aille. C'est comme les moutons de Panurge. C'est-à-dire, ils veulent qu'on aille dans une certaine direction. Donc, ils commencent à nous dire, voilà, il va se passer ça et ça. Donc, tout le monde s'engouffre là-dedans. C'est comme la magie. Tu vois, les magiciens, quand ils font un truc de la main gauche, ils agitent la main droite pour attirer l'attention. Le temps que tu regardes la main droite, tu vois pas ce que la main gauche fait. Et nous, si tu regardes, c'est exactement ce qui se passe. Dès qu'il y a un scandale, il y a un contre-feu qui est allumé. Il y a un truc, le mariage gay, par exemple. Moi, j'ai beaucoup d'amis homo. Beaucoup, beaucoup. J'en connais pas beaucoup qui veulent descendre dans la rue pour se marier, mais par contre, comment se fait-il que je veux dire, ce soit devenu une issue tellement importante alors qu'il y a des tas d'issues qui sont très très importantes, par exemple pour notre santé à tous, pas à une frange de 10% de gens ou 20%. Je veux dire, que l'eau soit polluée et qu'elle pollue nos enfants, c'est grave. Que les vaccins soient responsables d'effets secondaires qui rendent nos enfants autistes, quand on apprend que un enfant sur 58 garçons maintenant et 80 filles est autiste, alors qu'il y a encore 10 ans c'était un sur 1000 ou sur 10 000. Quand on apprend que un enfant sur 440 aura le cancer avant l'âge de 15 ans, dont la moitié avant l'âge de 5 ans. Ça, c'est absolument, je veux dire, pourquoi les gens se mobilisent pas là-dessus? Pourquoi Hollande dit pas, mais je vais vraiment nettoyer la place, je vais vraiment me cogner avec les industries pharmaceutiques, je vais vraiment changer les choses parce que je veux pas que mes concitoyens soient empoisonnés. Non, ça, tout le monde s'en fout. Par contre, on veut vraiment que les gens soient égaux devant le mariage. Je veux bien. Mais en fait, quand on regarde, quand on tire un peu les ficelles aussi, on se rend compte que derrière ça, il y a la procréation assistée et il y a surtout la gestation pour autrui. Et quand on met ça en parallèle avec les manipulations génétiques qui sont complètement à l'ordre du jour, puisque maintenant, aux États-Unis, tu peux choisir ton géniteur, tu peux choisir le géniteur de ton enfant sur catalogue. Hein. Tu peux vouloir qu'il ait les yeux bleus, qu'il n'ait pas le gène de l'obésité, qu'il ait plus d'1,80 m. Blanc aux yeux bleus, quoi. Voilà. On est vers une... Donc, qui va empêcher que les grands bienfaiteurs de l'humanité, comme Bill Gates, etc., qui sont pétés de thunes, disent demain, je vais louer 250 000 ventres et je vais implanter des embryons qui vont avoir le gène, enfin un QI d'huître et des muscles de Terminator. Qui va empêcher ça? Personne, une fois que la gestation pour autrui sera... Tu parles de Bill Gates, c'est pas lui qui a fait stocker des semences ou des graines quelque part. Ah mais il est pas tout seul, aussi, c'est tout, c'est le, mais c'est les gens le, ne savent pas ça. C'est la vingtaine de bienfaiteurs de l'humanité qui disent régulièrement qu'ils donnent leur argent aux pauvres. C'est-à-dire c'est Bill Gates, Warren Buffett, qui a George Soros, Syngenta, Monsanto, ce sont tous ces gens-là qui d'une part, oui c'est vrai, ils Colin Powell. Il y est dans le coup lui aussi. Je sais pas s'il est dans le truc si, de l'arche. Oui, un petit coup avec avec un certain médicament, tu sais. Ah oui, non mais Tamiflo. Tu parlais de l'arche où oui, il, ouais, d'accord, ouais. Où il garde. Non, enfin, je veux dire, on retrouve des gens connus. Ces gens-là, Monsanto, sont en train de tuer toutes les semences dans le monde et les autres, ils se les approprient, les brevettes. Et par contre, ils gardent les séquences ADN de toutes les semences qui piquent dans le monde entier dans un coffre-fort en Islande, oui. Après, on nous dira que c'est nous les complotistes, mais enfin, c'est quand même grave. Et c'est les mêmes qui font des campagnes de vaccination en Afrique où ils plombent les trois quarts des enfants avec des vaccins qui leur servent pas à grand chose. Je pense que les petits Africains auraient besoin d'eau et de nourriture déjà, et pas spécialement de vaccins, surtout contre des maladies qui sont pas là. Par exemple, la polio, c'est un scandale monumental dont personne ne parle non plus. C'est qu'on s'aperçoit qu'ils ont éradiqué la polio, oui, mais maintenant les gens meurent de la polio light. Ça s'appelle flasque, je sais pas quoi, syndrome. Et on s'aperçoit que les gens meurent du virus vaccinal, pas du virus sauvage. Donc voilà pourquoi les médias nous le disent pas ça. Le livre a pour titre « Complot mondial contre la santé ». Une pensée pour Jean-Paul Bertrand qui a eu du courage, ouais, lui aussi. Jean-Paul sera toujours, je veux dire, il reste dans le cœur et dans la pensée de ses auteurs, il était le patron d'Alphée, ex-patron du Rocher, oui. Il avait des roudoudounes grandes comme l'Alaska, il avait pas peur. Pardonne-moi, mais toi tu l'as connu, moi je l'ai rencontré une ou deux fois et je vais dire, ce sont les meilleurs qui s'en vont, pas forcément, les pires restent aussi. Il y a une question de Cécile qui écrit, après la sortie de votre livre, avez-vous eu des retours positifs de la part de certains médecins ou du personnel soignant? Est-ce que oui. D'autres personnes... Oui, ça a mis un petit peu de temps. Ça a mis un petit peu de temps, mais après je me rends compte dans les ventes, puisqu'après la mort de Jean-Paul, j'ai monté ma propre édition parce que je voulais pas attendre, et parce que le livre était 86e des ventes sur Amazon et en fait il était en rupture de stock puisque l'édition de Jean-Paul s'arrêtait. Et donc je sais exactement qui achète et donc je vois passer effectivement de plus en plus de commandes de médecins ou de médecins qui m'appellent et qui me disent mes patients me parlent beaucoup par exemple du vaccin contre le soi-disant cancer du col de l'utérus. Oui, qu'on a dénoncé aussi. Le soi-disant vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Est-ce que vous pouvez m'envoyer de la documentation, par exemple? Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a, par contre, qui n'en ont rien à taper. Alors que vous n'êtes, Sylvie Simon, avec qui tu as coécrit un autre livre, vous n'êtes pas médecin, mais les médecins s'informent. Ça, c'est oui. Est-ce que c'est pas le handicap? Comment ça? Que vous ne soyez pas médecin, ni l'une ni l'autre. Ah non, parce que je pense qu'au moins on n'a pas eu le lavage de cerveau que... Il y a des toubibs comme Vercouter qui en parlent aussi, ou comme, comment il s'appelle, Marc Girard. Mais oui, que vous soyez journaliste d'investigation, est-ce que ce n'est pas... C'est comme ça qu'on peut vous qualifier toutes les deux. Oui, mais je pense qu'il y a des médecins comme Marc Girard, Vercouter, etc. et d'autres, Moulinier, qui ont compris et qui ont vu les incohérences et qui ont pas envie d'être des moutons et qui ont pas envie qui ont envie de se renseigner pour leurs patients. Cela dit, entre parenthèses, c'est ceux qui se renseignent et qui veulent pas faire n'importe quoi et qui respectent le serment d'Hippocrate qui sont emmerdés par le Conseil de l'Ordre. Les autres qui font les moutons, qui prescrivent n'importe quel médicament sans se soucier des effets secondaires et qui veulent pas chercher à comprendre, ceux-là, ils sont jamais embêtés, hein. Mais je pense que, à part les quelques médecins qui font la démarche de chercher, les autres s'abritent derrière le fait qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ont les visiteurs médicaux et les labos pour les tenir au courant. Et Dieu merci, je pense que on n'a pas fait le cursus d'un médecin, c'est-à-dire que moi j'ai pas Sylvie non plus, on n'a pas eu de lavage de cerveau qui est de rigueur à la fac de médecine où on leur apprend que les vaccins c'est comme ça et comme ça, que les médicaments sont comme ça et comme ça, que leur principale source d'information est le quotidien du médecin, en oubliant de leur dire que quand un journal est sponsoré, quand sur la page 1 il y a une pub d'Ilili, sur la 2 GlaxoSmithKline et sur la 3 Sanofi, je vois pas comment le journal serait libre, hein. Pas plus que les experts qui sont appointés par les laboratoires. Mais alors, complot mondial, hein, je reviens à ma question précédemment, complot mondial, tout ça est en place depuis combien de temps, selon toi, selon tes informations? Moi, je suis remontée à 60 ans en arrière. Les années 50? Oui, pendant la deuxième, ça c'est sorti pendant la deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire quand la mondialisation a vu le jour, quand Rockefeller d'une part aux États-Unis et IG Farben en Allemagne ont décidé de s'associer pour vendre du pétrole aux alliés et aux nazis. En même temps, donc moi je suis remontée jusque là. Cela dit, Pierre Hillard, par exemple, qui est un véritable historien et qui est remonté beaucoup plus loin, lui est remonté beaucoup plus loin, quoi. Et a trouvé des preuves que la mondialisation était en route depuis un petit moment avant. Mais ça remonte vraiment de là. C'est-à-dire à partir du moment où, après le procès de Nuremberg, le patron d'IG Farben Auschwitz, a été sorti de prison par son collègue Rockefeller. Et ils ont trouvé comme concept qui contrôle la nourriture contrôle le monde. Et à partir de ce moment-là, ils ont tout mis en place pour pouvoir passer par-dessus la tête des gouvernements et pouvoir instaurer des instances internationales et qui leur permettraient la libre circulation de leurs produits et le monopole de leurs produits en créant le Codex Alimentarius qui en fait est soi-disant... sur le papier, c'est soi-disant une... C'est pour notre bien-être. Oui, et puis c'est pour normaliser les normes entre tous les pays, etc. Mais en fait, quand on fouille bien le texte du codex, it's a trade commission, c'est une commission de commerce. Ça n'est pas du tout une commission pour le bien-être des humains, quoi. Et donc, tout ce qui maintenant passe, tout ce qui est mis dans notre bouche, que ce soit les médicaments... ou la nourriture, doit être référencé codex, ce qui leur donne la mainmise à peu près sur tout ce qu'on mange. Sans vouloir me faire l'avocat du diable, mais je lis par exemple, le codex a créé un comité dédié aux questions de sécurité des additifs alimentaires. L'une de ses principales responsabilités est de déterminer les limites maximales autorisées. L'index Codex des additifs alimentaires liste actuellement environ 300 additifs synthétiques et naturels autorisés dans les denrées alimentaires. Donc ça veut dire, ce Codex Alimentarius, que la population française connaît très très très mal. Non, mais c'est par exemple le fameux Codex qui fait que quand on refuse le bœuf aux hormones, quand on refuse d'acheter du bœuf aux hormones, on est obligé de payer je ne sais pas combien de millions d'amendes, voilà, tous les ans. 116 millions par an, nous, en France. Oui, Et oui, alors les additifs alimentaires, c'est encore une grosse escroquerie parce que fait le codex? Il met des normes et quand il s'aperçoit que ça l'empêche de sortir tel ou tel produit, il remonte la norme journalière autorisée pour ne pas être malade, ce qui fait qu'ils jouent comme ils veulent. Et puis en plus de ça, nous, on est en bout de chaîne, c'est-à-dire que sur un produit, c'est peut-être pas complètement, enfin c'est pas bon, mais ça va pas avoir des conséquences extraordinaires. Mais quand on mange toute la journée du bœuf qui contient des hormones, des tranquillisants, des anabolisants, des antibiotiques, des vaccins, etc., qu'on mange des légumes aux pesticides, du lait avec de la dioxine et des plats préparés avec toutes sortes d'additifs et de l'aspartame et du glutamate, etc., à la fin de la journée, et de l'eau du robinet qui contient des résidus de pilules contraceptives, des résidus de chimiothérapie, bien évidemment qu'on devient malade. Tu vas dégoûter les internautes C'est mon principal problème, c'est que quand je suis un peu comme Attila, quand j'ai fini, les gens me disent, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, il reste encore, hein. Il reste encore suffisamment pour manger et pour boire. Ah bah c'est pareil, je pense qu'il faut il faut à tout prix manger bio avec tout ce que ça peut, tout ce que ça peut qu'on... Oui, mais attends, excuse-moi, je t'interromps là encore, hein. Je suis un peu plus actif comme on a que 2 heures, on a pas 7 heures devant nous. Avant, j'écoutais beaucoup, maintenant, j'essaie d'être un peu plus interactif. Le bio, ça n'existe plus. Avec toutes les saloperies de Fukushima, de Tchernobyl, les pesticides, les insecticides, voilà. Les trucs. Attends, non, sincèrement, alors à moins d'aller, je sais pas, du côté de l'Ardèche vers comment non, s'appelle Pierre Rabhi. Non, parce qu'il y a les chemtrails de toute façon maintenant. Il y a les chemtrails, mais encore voilà un autre sujet dont il faudrait parler. Il y a plus rien qui existe en bio, plus rien n'est naturel. Mais c'est Claire moins. Sévrac. Je suis bien d'accord, mais c'est moins daubé. Mais c'est moins pire, voilà. C'est la seule chose qu'on peut dire. Je suis d'accord avec toi. Moi, quand j'ai eu fini d'écrire Complot mondial contre la santé, j'ai dit je ne boufferai plus d'animaux d'élevage et je ne boufferai plus d'aliments qui ne soient pas bio. Alors effectivement, maintenant avec les chemtrails, quand tu vois ce qui nous balance sur la tronche, c'est de l'aluminium, du barium, du strontium, etc. Donc ça, les cultures le reçoivent. Effectivement la radioactivité en plus, etc. Alors je sais pas ce qu'il faut faire, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire je me dis alors maintenant il faut en plus cultiver sous serre, on peut même pas dire qu'on va même si c'est fou hein, on peut même pas dire qu'on va arroser nos légumes avec l'eau minérale, parce que tu as vu le dernier scandale, même l'eau Monrocou et tout ça qui était des eaux recommandées pour les nouveau-nés vraiment au-delà de tout soupçon, on a trouvé des traces de chimiothérapie dedans et de pesticides, donc honnêtement, je sais pas ce qu'il va falloir faire. Alors que nous reste-t-il ? Mais c'est moins pire, voilà, oui, oui. C'est juste moins pire que si c'est arrosé de 10 pesticides, et puis même pour la nature, c'est-à-dire que même si on n'inverse pas la tendance tout de suite, je pense que les industriels de l'agroalimentaire, c'est Jean-Pierre Berland qui m'avait dit ça tout au début de mon enquête. Il m'avait dit ces gens-là, ils vendent pas des légumes ou ils vendent pas des aliments. Ils vendent, si demain il faut qu'ils vendent des couches culottes, ils vendront des couches culottes. Ils vendent de l'argent, ils vendent ce qui leur rapporte. Donc si tous demain on dit on veut bouffer sans pesticides, on a le pouvoir de notre porte-monnaie. Et d'ailleurs on le voit, puisque avec tous les abus que ça peut comporter, hein. Mais il y a 10 ans ou 5 ans, on trouvait rien de bio nulle part, à part dans des petits magasins bio. Maintenant, on peut plus rentrer dans une grande surface sans voir des rayons entiers de bio. Oui. Alors, il y a forcément des abus. Mais c'est encore une autre façon pour les grandes surfaces mais de se faire de la thune. C'est une façon de se faire de la thune pour les grandes surfaces. Mais peut-être que ça va aussi inverser Tu y crois, toi? Ben, je pense que si on leur demande des trucs bio, ils feront des trucs bio. Ils vont étrangler les... Il y a des AMAP dans ton département? Oui, oui, il y en a, ouais, oui, bien aussi. Sûr. Moi, je vais dans une AMAP, oui. Ouais. Et dans une ferme, oui. Mais oui, mais certains répondront, à juste titre, oui, mais le bio est... Moi, je vois le marché bio du boulevard Raspail le dimanche matin. C'est la bascule des oui, prix. Oui, c'est horriblement cher, mais alors, je vais mais vous dire... Mais tu vas me répondre, oui, mais on en jette moins. Premièrement, deuxièmement, si demain je vous dis, voilà, tiens un verre de cyanure, ton mom a soif, donc il y a que ça, il a qu'à boire du cyanure, vous allez me dire, ah ben non, excuse-moi, non, je vais pas lui donner du cyanure, il attendra un petit peu. Et ben, je pense que le manger sain, c'est ça aussi. Avant, je veux dire, le budget le plus gros dans une famille, c'était la nourriture. Maintenant, c'est l'iPhone, l'iPad, l'home cinéma, c'est des tas de trucs qui, le super 4x4. Je veux dire, faut savoir ce qu'on veut. Moi, je dis pas que on peut pas tomber malade d'autre façon, mais quand on sait à quel point c'est cancérigène et à quel point les maladies, il y a eu une explosion des maladies chroniques et voilà, faut savoir ce qu'on veut. Il y a beaucoup de réactions, mais j'aimerais bien que vous ayez des questions à poser à Claire Sévrac. C'est normal que vous réagissiez, que vous le réagissiez comme vous le faites. Youl écrit depuis peu, je crois à ce complot mondialisé qui vise à la mainmise de toute production industrielle, scientifique, intellectuelle par un petit groupe de personnes déjà bien identifiées et désignées. Ben, je pense que comme moi je l'ai appelé complot mondial contre la santé, je savais très bien que j'allais avoir contre moi les bobos bien pensants qui allaient me dire oh, c'est la théorie du complot, vous êtes une complotiste, vous êtes une conspirationniste. Je le savais. Mais d'un autre côté, je pense que c'est la dernière manœuvre des cartels, des empoisonneurs pour nous dire pour au lieu de se faire très enfin comment dire. D'habitude, ils nous décrédibilisent. Ils essayent de nous décrédibiliser. Ça, c'est la manière la plus gentille. Autrement, ils essayent d'impressionner les journalistes d'investigation un peu plus méchamment. Mais autrement, ils décrédibilisent les gens sur le net en disant oui, mais t'as vu, elle a écrit ça, ou t'as vu, elle a chanté, ou t'as vu, oui. C'est une complotiste. Oui. Mais c'est une façon de nous décrédibiliser, encore une fois, d'enlever l'attention vers ce qu'ils font. Mais quand j'ai appelé le bouquin comme ça, je suis allée voir dans le dictionnaire ce que voulait dire le mot complot. En fait, le mot complot, c'est pas le sens qu'il leur donne maintenant. Le sens qu'on lui donne maintenant, c'est dès que quelqu'un dit quelque chose, on dit c'est un complotiste. Sous-entendu, ce qu'il dit, c'est pas bien, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas vrai. Le mot complot, ça veut dire une minorité qui s'unit derrière le dos d'une majorité dans un but lucratif et bon pour eux et mauvais et néfaste pour le reste. C'est exactement ce qui se passe. Alors bon, qu'on dise que c'est un complot ou pas un complot, je m'en fous. Oui. Ce que je sais, c'est que ce sont les mêmes personnes qui sont derrière les mêmes combines, qui font le même plan dans les mêmes, que ce soit l'industrie agroalimentaire, l'industrie chimique ou l'industrie pharmaceutique ou l'élevage ou la pêche, ou dans n'importe quel... Dans le fric, quand on regarde la crise monétaire, c'est quoi? Je veux dire, la crise alimentaire, c'est quoi? C'est le fait qu'ils ont confisqué les semences, qu'ils essayent de breveter le vivant, y compris les animaux. Mmh. La crise économique, c'est quoi? C'est la confiscation du pognon par les banques. C'est pas, il n'y a pas de crise économique. C'est les mêmes qui ont décidé du jour au lendemain de retirer de toute façon l'argent. L'argent, ils ont créé 25 fois plus d'argent ou 2000 fois plus d'argent que ce qu'ils ont en banque. Donc c'est, ils essayent de nous faire endetter au maximum pour pouvoir nous prendre des intérêts, des intérêts, des intérêts. Mais cet argent n'existe pas. Cet argent n'est qu'un jeu d'écriture. Et je veux dire, quand on voit dans la même nuit, on voit un mec comme Soros qui a déjà foutu à genoux la Banque d'Angleterre il y a quelques années, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Grèce? Ils ont dit, un soir, ils se sont réunis, les 5 hedge funds les plus importants des États-Unis se sont réunis et ont décidé d'attaquer le maillon le plus faible de l'Europe. Et ils ont décidé de foutre la Grèce à genoux. Et comment ils ont fait? Je veux dire, quand on regarde en très peu de temps, qu'est-ce qui s'est passé? Berlusconi, qui était indéboulonnable, du jour au lendemain, on lui a dit dehors, il a même pas moufté, il est parti. À la place, ils ont mis Mario Monti, qui est un ancien de Goldman Sachs. En Grèce, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont viré Papandreous. Ils ont mis Papademos, qui est un ancien de Goldman Sachs et qui était le patron de la banque grecque. Et à la tête de la banque européenne, ils ont mis Mario Draghi, qui était le patron de Goldman Sachs pour l'Europe. C'est-à-dire qu'en une semaine, les banquiers ont viré deux gouvernements et ont pris la tête de la banque européenne, de la banque de la Grèce et de l'Italie. Sans être élus, où est la démocratie là-dedans? Où sont les électeurs là-dedans? C'est-à-dire qu'ils ont mis la main sur tout ça. Mmh. Et en plus, à la tête de la Banque européenne, on se retrouve avec un mec qui était... Barroso? Non. C'est pas Barroso, mais Barroso en fait... est de la commission, mais c'est Mario Draghi. Il est dans le coup aussi. Qui en fait était celui qui a organisé la faillite de la Grèce quand il était Goldman Sachs pour l'Europe, avec Papademos qu'ils ont mis maintenant à la tête de la Grèce, qui était à l'époque président de la banque grecque. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont mis à la tête de la Grèce et de la banque européenne ceux qui ont mis la Grèce en faillite. Comment ces gens-là pourraient sauver la Grèce? Et en plus, il suffit juste de regarder ce qu'on nous dit. Et quand on nous dit, on va donner un autre emprunt à la Grèce, on va leur donner de l'air, on va les sauver. Mais attendez, nous, nos gouvernements cautionnent la banque européenne et les banquiers internationaux pour prêter aux banquiers internationaux à 0,1%. Et on prête, et ils prêtent à la Grèce à 700%. À 7%, pardon. Ça fait du 700% d'intérêt. Est-ce que vous croyez qu'ils veulent sauver la Grèce? Si demain je veux te sauver et que je te prête à 700%, tu penses que je veux vraiment te sauver? Tu veux que je réponde? Oui. Non. Non. Ah bon, la oui, réponse c'est un exemple. Est dans la question. Et tout est comme ça. On nous fait avaler des couleuvres en longueur de journée. Suffit juste de faire comme en mathématiques, de dire mais attends, là c'est pas possible quoi. Je reprends le Codex Alimentarius. Je vous incite, hein, vous qui nous suivez, qui écoutez Claire Sévrac, je vous incite à consulter ce qu'est le Codex Alimentarius. Peu de médias en ont parlé. À ma connaissance, à part deux radios, une que tu connais, que tu as été il y a pas très longtemps avec Sylvie Simon, et puis on en avait parlé ensemble sur Radio Anguin. À propos de Radio Anguin, des DFM, je te trouve vraiment vachement remontée, Claire, par rapport à il y a 2 ans et demi. Tu as pris conscience de l'enjeu de ton livre. Non, bien évidemment. Non, ce qui, je pense que reproche, ce qui a changé, c'est que je me rends compte que mon travail, et le mien et celui de tous les gens qu'on a cités tout à l'heure, est utile. C'est-à-dire, oui, quand je suis venue la première fois, je venais de sortir mon livre, j'espérais que il y aurait un maximum de gens qui, j'espérais éveiller un maximum de conscience, oui, mais je savais pas. En fait, ce qui a changé, c'est que je me rends compte que mon livre se vend tout seul par le bouche à oreille, pas par la pub que me font les grands médias, ouais, bien évidemment. Ouais. Et ça me fait plaisir. Les gens m'envoient pas pour mon ego, hein, mais parce que je me rends compte que les nuits que je passe à chercher la petite bête qui va vraiment prouver qu'un tel est pourri, et à chercher vraiment la preuve. Des fois, je passe des journées, des nuits entières pour une petite preuve qui va faire une ligne dans le livre. Mais donc, tu as passé combien de temps à écrire ce bouquin qui est quand même, je me souviens de la première partie, mais il est accablant. Mais tu amènes les preuves par preuve par preuve. Quand on dit ce genre de choses, il faut quand même apporter les preuves. Bien sûr. Parce que sinon, je veux dire, sinon, c'est pas très crédible. Moi, j'ai un peu la démarche de Bernadette Soubirous. Je pense que, je ne sais pas pourquoi, tu l'as dit, mon parcours est un peu atypique. Mais je pense que j'ai été appelée pour le dire, mais j'ai pas été appelée pour le faire croire. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bernadette. C'est Bernadette, oui. Mais je me reconnais tout à fait là-dedans. Et je pense que c'est important. Quand tu as la reconnaissance des gens qui t'écrivent et qui te... L'autre jour, j'ai fait une émission aussi de radio où j'ai reçu immédiatement après sur mon site une maman qui m'avait dit « Merci beaucoup, j'avais acheté du pangas pour ma fille et pour moi. Ouais. Je suis allée le prendre dans le frigidaire et je l'ai foutu à la poubelle. Ouais. Merci beaucoup. » Alors tiens, tu ouvres ce détail, le pangas. D'accord, mais c'est pas pire que les autres poissons d'élevage. Les fermes marines, les poissons qui sont alimentés avec des farines animales. Non, le pangas, il a quelque chose en plus quand même. C'est une petite merveille, c'est qu'il est inséminé à l'urine de femmes enceintes. Donc, oui, parce que les pangas, par exemple, je sais plus le nombre là, admettons que les femelles pondent normalement 1000 œufs, ils ont trouvé qu'en inséminant les femelles avec de l'urine de femmes enceintes, elles faisaient des millions d'œufs. Donc c'est plus rentable et ils peuvent le vendre moins cher. Donc ça c'est encore c'est quand même un exemple déjà sur l'éthique, c'est pas les gens, on nous fait un fromage quand on mange du cheval à la place du bœuf. Moi j'ai des chevaux et je monte à cheval et j'adore les chevaux et Dieu sait que je ne voudrais pas manger de cheval, mais je veux dire pourquoi on nous dit pas par exemple que les pangas sont inséminés avec de l'urine de femme enceinte? Pourquoi on nous dit pas que les bonbons de marque très très connus qui sont très gélatineux, la gélatine est faite avec des embryons des fœtus recueillis après les avortements? Pourquoi on nous dit pas les choses comme ça? Sur le net, on l'apprend. Oui. On apprend que les Chinois, sous prétexte de, enfin, les Chinois, oui, mangent des fœtus de bébés parce que paraît-il que ça va leur donner un peu plus de virilité. On apprend ça. Mais quand on nous dit que les Chinois le font, après tout, les Chinois, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Mais je veux dire, et même ici, chacun fait ce qu'il veut. Mais on aurait le droit d'être au courant. Je veux dire, tout le monde n'a pas envie de donner à ses enfants des bonbons qui sont faits avec des fœtus avortés. Oui, je te disais, je te sens vraiment remontée par rapport à il y a trois ans. Oui, parce que je me suis rendu compte que c'était utile, voilà. Donc quand tu te rends compte que ce que tu as fait est utile, ça te donne de la force pour... moi, les gens me disent merci, mais moi, je leur dis merci parce qu'ils me donnent de la force... Voilà, que j'utilise, que tu emmagasines. Que j'emmagasine et qui me donne, quand je suis sur mon ordinateur à 3h du matin et que j'ai les yeux qui tombent et que je me dis, j'ai bien envie d'aller me coucher, je verrai demain, je me dis non, il faut que je finisse parce que, voilà. Donc c'est très important. Alors je vais me refaire l'avocat de qui tu sais à propos du Codex Alimentarius. Je lis et il y a quelques lignes. J'ai oublié de dire que le patron du Codex Alimentarius, celui qui a eu l'idée du Codex Alimentarius, c'était le patron d'IG Farben Auschwitz, celui qui était tellement créatif, qui avait trouvé Arbeit Marfrei. Le travail rend libre. Qui était au-dessus de ses usines à lui, avant d'être au-dessus des camps de concentration. Ouais. Donc c'est un monsieur qui... De bonne fréquentation. De bonne fréquentation et qui... Qui a eu encore une bonne idée en pensant que qui contrôle la nourriture contrôle le monde. Ben, j'allais dire oui, les moutons. Et cela dit, maintenant, quand on regarde que les trois quarts des semences leur appartiennent, et que normalement, les gens comme Coco Pelli font un travail extraordinaire. Coco Pelli qui vient d'être condamné, d'ailleurs. Ils arrêtent pas d'être condamnés. C'est vraiment des enculés. Oh, excuse-moi. Je parle pas de Coco Pelli. Ils nous gardent les semences. Et voilà encore un exemple vraiment de la merde qu'ils nous font vivre et du mensonge qu'ils nous disent. Ils nous disent que les OGM sont pour sauver l'humanité parce qu'il faut nourrir l'humanité qu'ils font des OGM. C'est pas vrai. C'est parce que les OGM sont brevetables et que quand on a des plants de tomates de Marmande et qu'on en garde des graines pour l'année d'après, c'est autant de fric qui ira pas dans la poche de Monsanto. Ouais. C'est tout. Alors qui nous empoisonne pour ça, ils en ont rien à foutre. Mais à part les réseaux sociaux, comment nous pouvons là, nous avons un micro, nous avons une caméra, nous l'ouvrons notre gueule et à juste raison. Mais quels sont les moyens que nous avons à notre disposition pour que ça se sache davantage? Le bouche à oreille, c'est de le dire à ses copains et je sais que ça fonctionne, moi, parce que je vois par exemple les gens, il y a des gens qui m'achètent des bouquins pour les donner à leur famille, les offrir à leur famille, à leurs copains, et il faut, moi ce qui m'a fait aussi beaucoup de bien, c'est que quand tu viens d'écrire un bouquin comme ça, tu te sens quand même très très seul avec ce que tu vas balancer. Et quand j'ai rencontré des gens qui enquêtaient, comme justement Alain Soral, comme Pierre Hillard, comme Étienne Chouard, comme Marc Girard, Jean-Pierre Berland, qui étaient des gens qui enquêtaient dans des domaines qui n'avaient pas forcément quelque chose à voir avec les miens, je me suis rendu compte qu'ils en arrivaient à la même conclusion que moi. On en arrive tous à la même conclusion que le monde est dirigé par ces quelques personnes. Cécile écrit, c'est vrai que mon médecin, bien qu'agréable et ouvert, est peu informé. Souvent, j'essaie de lui poser des questions et il botte en touche. Je n'ai pas encore franchi le pas de lui offrir votre livre. Ce serait une bonne idée. Pourquoi pas ? Ayoul parle aussi de l'entreprise Cargill. Je sais pas si la prononciation est bonne. Cargill, tu sais, Greg Page, l'homme qui contrôle l'alimentation de la planète. Mais ça, c'est sur Internet. Il contrôle tous les additifs, enfin les trois quarts des additifs, oui. Ouais. D'autres commentaires. Pour faire bouger, choisir son camp, il faut faire de son mieux pour manger au mieux, pour se soigner au mieux et témoigner. Elle a raison, ton auditrice. Faut écœurer pour faire réagir. Écœurer Franchement, on n'a pas besoin de faire exprès. Comment tu peux m'écœurer de manger, je sais pas, un steak frites tout à l'heure? Je viens de le dire, une fois dans un élevage industriel. Regardez comment sont traitées les bêtes, en dehors des saloperies qu'on leur fait avaler et qu'on avale forcément puisqu'on est en bout de chaîne. Est-ce qu'on a envie de manger des animaux qui sont traités comme ça, qui sont dans des conditions d'hygiène dégueulasses, qui sont tellement bourrés d'hormones que leurs pattes les portent plus, que les truies sont entravées, ne peuvent même pas se retourner pour lécher les petits qu'elles viennent de mettre au monde? Comment on peut faire ça à des êtres vivants? À des êtres vivants, ouais. Oh ben vous regardez, vous allez dans un ED par exemple, au Leader Price, qu'est-ce que je pourrais donner? Il faut donner trois marques maintenant. Vous achetez de l'épaule, vous savez, emballé sous cellophane. Vous l'ouvrez, vous avez remarqué comme c'est brillant, comme ça suinte, comme il y a plein de saloperies. Mais attendez, et puis avec ça, vous la servez à vos amis, c'est de l'épaule, c'est pas cher, c'est des morceaux de jambon reconstitués. Vous en faites, je sais pas, une endive gratinée au four. Non mais... Voilà comment il faut arriver, je crois, Jean-Pierre Coff, souviens-toi, avait essayé de nous dégoûter, et puis après il a fait de la pub pour les discounters. Oui, mais il y a aussi pas de miracle, c'est-à-dire on dit effectivement que le bon est cher. Oui, le bon est cher. Ça c'est encore un truc, un mirage qu'on a fait croire à tout le monde, à savoir que la lutte entre les grandes surfaces est de nous dire ici c'est moins cher, ici c'est moins cher, ici il y a du bio à moins de 1 euro, ici il y a de la côte de bœuf à 2 euros. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Quand on donne des graines normalement, quand les animaux sont nourris normalement, quand les paysans cultivent normalement leurs champs, ça n'est pas possible. Ou alors ils sont en faillite et ils ferment parce qu'ils peuvent pas vivre. Mais donc il faut bien savoir que quand on nous dit ça, ça cache quelque chose. Et que par exemple la viande reconstituée, il y a une poudre qui s'appelle Activa, qui fout sur les bas morceaux quand ils découpent la viande. Ensuite ils la mettent au frigidaire dans du cellophane et ça ressort en rhum sec, ça reconstitue la viande. Et puis n'oubliez pas, quand vous êtes dans une grande surface ou une moyenne surface, les éclairages, c'est étudié pour aussi, pour que ça rende une belle couleur rouge pour la viande. Mais oui, on se fait niquer de A jusqu'à Z. Alors comment faire? Comment faire? Parce que c'est déjà être conscient de ce qui se passe. Je reprends le Codex Alimentarius. Je le reprends, moi, tel que l'on peut le trouver sur le net. Au cours des dernières années, les aliments biologiques ont fait l'objet d'une attention accrue du Codex. Il est maintenant de plus en plus évident que le comité Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires s'efforce d'édulcorer les normes globales sur les produits issus de l'agriculture biologique afin d'autoriser l'utilisation de substances comme le dioxyde de soufre qui peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes, le nitrite de sodium et le nitrate de sodium qui sont potentiellement cancérigènes et qui ont été impliqués dans des cas d'hyperactivité enfantine, la carrageenine, dont l'association avec la formation d'ulcères des intestins et des tumeurs intestinales cancéreuses a été mise en évidence. De plus, la commission du Codex, directive du Codex sur la production, le traitement, l'étiquetage et le marketing des maturations des fruits et des légumes pendant leur transport, l'autorisation de son utilisation sur des produits biologiques constituerait une étape dangereuse vers l'acceptation de pratiques agricoles douteuses et antinaturelles qui affectent déjà les aliments issus de l'agriculture conventionnelle. C'est noyé. C'est bien enveloppé, un beau paquet cadeau, un beau ruban, et puis démerdez-vous avec. Oui, mais je pense que ça, on en revient toujours au même. Faut être vigilant et faut pas écouter tout ce qu'on nous dit. Il y a des scandales qui sont terribles, ne serait-ce que aussi le sucre, le gras, le sel. Ce sont les trois trucs qui font que sans ces trois aliments, sans ces trois ingrédients, il n'y aurait pas de plat tout préparé. Ouais. Ils mettent des doses astronomiques de sucre parce que le sucre est addictif. C'est un peu comme... ça va même... Il y a des thèses qui disent que c'est même comme la cocaïne. Mmh. Je veux dire, ça finit par... Plus on mange, plus il y a du sucre. Et plus on mange du sucre, et plus on a envie de manger du sucre. Ça fait des générations d'obèses, mais personne ne bouge aussi. On dit on va faire des trucs contre l'obésité, mais il se passe jamais rien. Le sel, ça permet de... Mais si, de... les gens bougent, ça fait ouvrir des cliniques, on soigne l'obésité. Oui, non, mais je vais dire, les gouvernements ne bougent pas. Oui, non, mais je déconne, mais bien sûr, bien sûr. Le gras, on sait très bien que ça lie les sauces et que ça permet de faire bouffer des molécules chimiques avec du gras, etc. Ça passe mieux. La texture... En fait, on est passé d'une civilisation où on mangeait pour se nourrir à une civilisation où on mange... ce dont ils nous ont donné envie. Ouais. Et maintenant, on arrive à une aberration, c'est qu'un poireau qui pousse tout bêtement chez vous est un produit de luxe. Et on mange des molécules chimiques avec du sucre, du gras, etc. Ouais. Je veux dire, l'être humain n'est pas fait pour ça. La nature était très bien faite. On savait ce qu'on devait manger. Mais enfin, on a été fait pour manger... Peut-être parce que... c'est 7 milliards d'individus ou c'est 9 milliards, on nous dit, ils nous disent, et on en parle dans les médias, et ils en parlent les journalistes dans les médias, que ben, la Terre n'est pas suffisamment c'est pas vrai, pour... C'est, pas vrai, c'est une connerie, ça aussi. Il y a eu des études de Philippe Desbrosses, etc., comment il s'appelle Pierre Rabhi aussi, on a parlé. Pierre Rabhi et aussi, comment il s'appelle, Ziegler. Jean Ziegler, qui ont montré que la terre, dans les, en cultivant bio, normalement, comme on cultivait l'avant, la terre peut nourrir 15 milliards de personnes. C'est juste pas ça aussi, voilà, le mensonge type pour nous faire avaler qu'il faut bouffer des OGM et bouffer de la chimie pour pouvoir nourrir la terre. Parce que s'ils nous disaient c'est pour se sucrer et pour prendre un maximum de pognon, bien sûr qu'on le ferait pas. Mais tu sais comme moi que peu de personnes, je l'ai vu tôt ce matin en parlant de cette émission sur ma page Facebook, une amie Facebook me dit « Mais c'est grave à ce point-là l'aspartame ?» Ah oui ?« Mais oui, mais qui en parle ?» Qui, Corinne Gouget? Ah si, Corinne Gouget en a parlé, Sylvie en a parlé, Sylvie, il y a beaucoup aussi de gens qui en parlent. Oui. Le problème, c'est que, c'est très simple déjà, l'aspartame, en dehors de tout, à 30 degrés, c'est un poison violent. Donc, comme les trois quarts des gens mettent un truc d'aspartame dans leur café ou pour faire un gâteau qui soit pas calorique, et ben voilà, puis il suffit que la bouteille de soda soit restée, dans un parking de supermarché, etc. C'est on avale du poison. Alors attends, parce que j'ai des questions qui arrivent en même temps. Cécile te pose la question. Vous avez déjà fait des conférences avec Sylvie Simon et Salim Laibé. Pensez-vous en faire d'autres? Faire un tour de France, peut-être, à défaut d'être invité par les merdiaques. Tiens, coucou Cécile. Parole serait, j'en suis sûr, très très bien reçue. Tu as pensé à aller faire un tour de France des... Je vais te dire, faire un tour de France, ça me paraît un peu compliqué parce que vu le temps qu'on passe à enquêter, on peut pas aussi le prendre du temps pour faire un tour de France, démarcher des gens. Mais si on m'invite ou si on invite Sylvie ou si on nous invite, on y va. Simplement, on peut pas en plus se mettre à organiser des trucs pour... Oui, vous auriez besoin d'un attaché de presse ou d'un... C'est pas un attaché de presse, on a besoin que les gens se... Moi, je reçois aussi des gens, des coups de fil ou des messages de gens qui me disent « Je veux bouger, je me rends compte qu'il faut bouger, qu'il faut absolument vous aider et faire répandre la parole, etc. » Et puis, quand tu dis « Ok, bah allez-y », l'email d'après, c'est « Alors, comment je peux faire? J'aurais besoin de votre aide. » Ben non, je veux dire, le principe même, c'est de se prendre chacun en charge. Donc, s'il faut qu'on aille assister tous les gens qui veulent qu'on aille faire des conférences, c'est juste pas possible non plus. Il faut que les gens soient... Mais si on t'invite à une conférence... J'en viens. Là, je viens de Toulouse. J'ai été... Oui, si on m'invite, j'y vais, bien sûr. À condition, bien entendu, que les frais soient pris en charge de déplacement, l'hôtel si besoin. Parce que beaucoup pensent que vous êtes là, c'est du bénévolat total. C'est de la formation. Mais le problème, c'est qu'on peut pas faire ça à l'année. Quand les gens me disent « j'ai pas les moyens d'acheter du bio », moi, je veux dire, j'ai aussi besoin de me nourrir et de nourrir ma famille. Ouais. Donc voilà quoi. Il y a que nous sur Étoile du Cœur, on est encore assez cons pour faire du bénévolat. Ça va pas durer, ça va pas durer. Non. Youl écrit, je suis obligé de vous quitter. Je vous laisse tous les deux. J2C est ton invité. Bon courage à cette dame inflexible et félicitations pour oser aborder des thèmes aussi terribles. Un jour, il faudra les juger, ces assassins. Mais verrons-nous ce jour arriver? C'est une bonne question. Ça dépend de tout le monde. Ça dépend de nous tous. Je veux dire, on a le pouvoir, donc. Il faut arrêter de se faire promener comme ça, je veux dire. Si on nous toute la journée, on nous dit oui, mais comme on est en démocratie, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Puisqu'on est en démocratie, c'est quoi la démocratie? C'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Que je sache, on n'a pas le pouvoir en France. C'est pire que dans la Russie d'il y a 20 ans, et c'est pire que ce qui se passe dans plein d'autres pays. Je suis désolée, on n'a aucun pouvoir. Quand on dit on veut pas ça, on nous dit « Ah, mais vous avez voté pour nous, donc c'est que vous le vouliez. » Non. Sinon, ça voudrait dire que le Parlement n'a aucun pouvoir et que nos députés n'ont aucun pouvoir, puisque une fois qu'on a voté pour quelqu'un, qu'on a élu un président, il peut faire ce qu'il veut, on n'a plus rien à dire. Donc à quoi ça sert qu'on engraisse 577 députés puisqu'ils n'ont aucun pouvoir? Faut être logique. Soit on est en démocratie, il nous représente et on a un certain pouvoir. Soit on n'est pas en démocratie, il nous représente pas. Et c'est un pouvoir totalitaire. Et dans ce cas-là, qu'on arrête de les payer. J'écoute en même temps. Je réfléchis parce que je me dis ce que tu viens de dire là. C'est costaud. C'est costaud, mais non, c'est vrai. Il me semble que tout le monde en a conscience. mais que personne ne bouge. C'est ça, c'est pas une critique encore une fois, mais c'est bien là le tempérament français. On gueule, et puis quand il s'agit de passer aux actes, mes couilles, il n'y a plus personne. Oh, je dis des gros mots, il n'y a plus personne. Sérieusement, tu en es consciente, Claire? Vous n'êtes que quelques-uns à hurler. Je sais pas, je peux pas me mettre à la place des autres. Oui, mais tu as quand même, ni quand les même juger, conscience quoi, que. Ni les non, juger. Sans, ce constat, que je constat. Sais, c'est que il en faut beaucoup. Quand je vois à la fin d'une conférence des mamans venir me voir et me disent je suis d'accord avec vous, les vaccins c'est vraiment une saloperie, mais là je suis obligée parce que sinon mon enfant peut pas rentrer à l'école. Je tombe de ma chaise. Mais oui, un enfant, s'il n'est pas vacciné, il peut pas rentrer à la crèche. Et ben oui, mais alors on si tu n'es pas vacciné, tu peux pas partir à certaines destinations oui, ben alors, avec Air okay, France. Ben alors on se débrouille autrement. Mais quand quelqu'un n'est pas convaincu, ben il fait ce qu'il veut. Quand quelqu'un vient te dire qu'il est convaincu que ce que tu dis est vrai et que tel vaccin est un poison, et qu'il te dit oui, mais je le fais quand même parce que. Mais Claire, tu en connais des médecins, toi, qui sont prêts à faire des certificats médicaux pour que une vaccination ne soit pas effectuée sur un enfant? Oui. Tu en connais combien? Tu as des noms? Je t'en prie, moi je connais. Ah non, j'en connais, mais je donnerai surtout pas leur nom parce que. Vercouter s'est fait licencier du Conseil de l'Ordre. Voilà, parce que là, ça c'est vraiment pas un service à leur rendre parce que à ce moment-là, ils vont être souvent dénoncés par leurs confrères. D'ailleurs, ils se retrouvent interdits d'exercer. Donc. Une petite urgence. Tu veux une respiration musicale? Oui. Ah ben j'aime bien. Est-ce que je peux mettre une chanson de toi quand tu chantes avec par exemple Barry Mann? Je peux la mettre? Ah oui. Je l'ai. En fait, j'ai reçu un coup de fil qui risque d'être important ou grave, donc voilà. D'accord. Ben écoute, je vais mettre cette chanson. On va y aller, c'est tout de suite. Je suis un libéral au sens où je crois à la liberté, mais je suis également un humaniste. Au sens où je crois que la production de richesses doit avoir un sens, que la morale ça compte, que la spiritualité ça existe, que l'homme a une destinée et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'homme qui n'est pas une marchandise comme les autres. L'homme n'est pas une marchandise comme les autres, mais une marchandise quand même, à entendre Nicolas Sarkozy dans un lapsus surprenant, même s'il prône la main sur le cœur, une mondialisation plus humaine qui ne laisse personne sur le bord de la route. Doesn't matter who was right. Vous regardez, vous écoutez la Web TV Radio Étoile du Cœur. C'est en direct jusqu'à 19h en suivant les étoiles aujourd'hui avec Claire Sévrac, auteur entre autres du livre Complot mondial contre la santé et d'un autre livre que tu vas nous rappeler le titre. Ça s'appelle La coupe est pleine. La coupe est pleine, coécrit avec... En sous-titre, Nos enfants sont plus précieux que le CAC 40. Et c'est avec Sylvie Simon. Sylvie Simon, c'est bien toutes les deux que vous vous soyez rencontrées. Eh ben, je crois que c'est grâce à toi, parce que non, parce qu'on était chez le même éditeur, oui. Et tout le temps que j'ai écrit mon livre, j'ai cité Sylvie 25 fois dans le bouquin, oui. Et ils m'ont jamais dit qu'elle était chez eux. Ce qui fait que quand mon livre est sorti, un jour Sylvie est passée à l'édition, elle a pris le bouquin et elle s'est dit mais pourquoi elle m'a pas appelée ? Et en fait, quand je suis venue faire l'émission avec toi, je crois que c'est toi qui m'as donné son numéro de téléphone. Oui, c'est bien moi, oui. Mais tu sais, quoi qu'on en pense, même si je suis un gros con pour certains, je fais mon petit travail, tu sais, ma petite part du colibri. J'ai jamais entendu ça. J'ai entendu dire que t'étais chiant. Oui, je suis un gros con, ouais. Non, aussi. Ça, j'ai jamais entendu. C'est vrai. Oh, ils ont pas osé te le dire, là. Non, mais j'assume, hein, mais je me réjouis. Mais j'aimerais que tous les journalistes, dont je ne fais pas partie, soient aussi des gros cons comme moi, et osent ouvrir la bouche pour dire, attendez, là. Eh ben, tu m'as dit qu'il y avait un ami journaliste qui s'appelle Philippe David, qui m'a très gentiment passé un document la semaine dernière. Ouais. Bah, rentre en contact avec lui. Bah, ça y est, c'est lui qui a fait la démarche et je l'en remercie beaucoup. C'est vrai, il va écrire sur Boulevard Voltaire ou dans Atlantico parce que, bon, Philippe David, tu fais partie aussi de ceux qui ont des corones, quoi. Quand il y a des choses à dire, il les dit. Bon, j'aime pas le football, pas trop, mais il a quelques papiers, pas piqué des hannetons, Philippe. Et d'ailleurs, Philippe a été quand même mon premier invité, hein, le 11 septembre 2012. Ouais. T'as fait fort, t'as ouvert le 11 septembre. Le 11 septembre, pour dire moi, je ferai pas comme les tours, vous m'écroulerez pas, je vous emmerde. Mais non, mais c'est toujours de la provoque, hein, tu sais très bien. T'as dit à tes voisins que tu émettais. Oui, non, ils sont au courant. Une question de Cécile, le prochain livre sera la suite de votre enquête ou sur un thème en particulier? Donc, c'est pas ni le premier ni le deuxième livre. Tu avais écrit un livre sur le métier de footballeur, autant que je me souvienne. Ah oui, non, mais là, je vais continuer. Tu continues dans cette veine-là, ouais. Et la question, c'est quoi? Si c'est la suite. Est-ce que tu vas continuer dans sur le même thème? En fait, c'est-à-dire que maintenant, je me rends compte que c'est plus un complot contre la santé, c'est un complot contre l'être humain. Moi, ce qui revient à un complot contre notre santé, mais en fait, je pense que c'est beaucoup plus grave que ça. J'ai mis 4 ans quand même à franchir le pas. Hein. Ouais. C'est-à-dire, j'ai freiné des 4 membres pendant des années à me dire non, c'est pour le fric. D'abord, je me suis dit c'est pour le pognon. Après, je me suis dit mais quand on a 10 jets privés, 40 maisons dans le monde entier, une île à Hawaï, le pognon, ça veut plus rien dire. Donc, tu vas mourir comme tout le monde. Hein. Après, je me suis rendu compte que c'était probablement pour le pouvoir. Puis il y a quand même des écrits quand on voit le directeur de Goldman Sachs, le président de Goldman Sachs, qui dit je fais le travail de Dieu. On se pose quand même quelques questions après. Et puis je suis tombée sur beaucoup d'écrits comme ça. Mais je voulais pas franchir le pas de me dire que c'était la lutte contre le bien et le mal. Le satanisme, tout ce qu'on peut trouver sur le net, et les Illuminati, et tout ce genre qui existe aussi comme le club mais très fermé des bohémiens. Mais je dois dire que je suis allée voir un ami à moi qui est docteur en sciences politiques, qui est docteur en économie, qui est tout sauf un complotiste. Tout sauf un complotiste et un farfelu, et qui m'a dit à la fin de la conversation, tu pourras pas longtemps éviter la dimension satanique. C'est vrai que ce livre, combien d'exemplaires vendus? Tu as dépassé les 50 000, je suppose. Non. Non? Je dois même mettre pas. Non, parce que j'ai été très très embêtée quand Jean-Paul est mort. Mais, je dois en être à, je sais pas, peut-être 25 ou 23 000. Mais ça mériterait de passer, on n'est pas couché quand même. Ils se feront sucrer les annonceurs immédiatement après. Il y a plus de pub sur France 2, il me semble aussi. Oui, il y a plus de pub. Enfin, il n'y a pas de pub directe. Ouais. Ah ouais. Il n'y a pas de pub directe. Ah il oui, y a pas ça de aussi. Pub, ça aussi la pub indirecte. Il y a la pub indirecte et puis il y a aussi la preuve, c'est comme un journal comme Bakchiche qui lui n'avait aucun annonceur. Et il n'a pas duré longtemps. Ouais. Hein. ces gens-là font l'appui et le beau temps. Faut pas oublier que les laboratoires pharmaceutiques, c'est aussi le shampoing, machin, le dentifrice, ce truc muche. Mmh, mmh. C'est pas que les médicaments et puis de toute façon, ils ont pas envie qu'on prêche la bonne parole. Mais t'as le petit gars de Carglass qui couche avec la petite nana de Groupama. Mais c'est bien connu, ça. Non, parce que là, tu y vas. Je veux dire, tu ne prends pas de gants. J'ai ouvert au hasard, hein, page 227. Partout, les experts sont mouillés. Ainsi, par exemple, le professeur Sir Roy Anderson, en Angleterre, l'expert en charge des urgences virales, est grassement appointé par les laboratoires GlaxoSmithKline au salaire annuel de 116 000 livres sterling. Le Washington Post du 14 juin révèle que parmi les législateurs dont dépendra le succès du projet de réforme de santé d'Obama, 30 d'entre eux auraient des liens financiers avec l'industrie pharmaceutique. Et pas plus tard que ce matin, Claire Sévrac, le journal allemand Der Spiegel révélait que des êtres humains en bonne santé avaient servi de cobayes à des laboratoires pharmaceutiques. Un peu plus de 600 personnes. On apprend ça aujourd'hui. Il y a aussi à New York, hein, en plein cœur de New York, il y a des endroits où ils récupèrent les enfants de mères qui sont sidaïques ou qui n'ont pas les moyens, etc. et qui les prennent pendant une journée ou deux jours en leur disant ils auront tous les sodas qu'ils veulent, ils auront tous les gâteaux, les bonbons qu'ils veulent. Vous regardez, on va leur faire un tel vaccin parce que il vaut 100 dollars et vous ne pourriez jamais vous le payer. Et en fait, ils s'en servent de cobayes humains, oui. Mais c'est partout. Enfin, je veux dire, là, tu es tombé sur une page qui concerne l'étranger, mais je veux dire, au moment de la... Quand on regarde en France, c'est exactement la même chose. Mmh. C'est quand on regarde l'histoire du H1N1, je veux dire, l'expert qui était auprès de Roselyne Bachelot, l'expert qui l'a conseillé pour le H1N1, qui s'appelle Bruno Lina, alors il dit, mais moi, je suis complètement intègre, c'est pas, je ne touche rien des labos, certes. Il a une association de loi 1901 sur lequel il reçoit de l'argent de 5 labos différents. Les 5 labos sont des fabricants de vaccins. Le patron, le président de son association, c'est le directeur du marketing de Sanofi. Alors, je veux bien que ces gens-là restent intègres, mais bon. Quand on regarde le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, comme par hasard, ce qui a fait foi, c'est l'étude Edith. L'étude Edith, quand on la regarde en France, il n'y a rien de marqué. Il n'y a pas marqué les gens qui ont fait l'étude Edith. Quand on la regarde sur un site américain ou sur un, par exemple, ce qui a servi au Congrès ou tout ça américain, il y a la liste des gens qui ont écrit l'étude Edith. Sur les 5 personnes qui ont écrit l'étude Edith, les 5 sont appointées par Sanofi. Et tout est comme ça, donc il faut bien le dire. Il faut bien le dire aux gens. On peut pas. Comment on peut avoir des intérêts dans un laboratoire et être. On peut pas être jugé parti. Tu te souviens du nom de celui qui avait initié la campagne de vaccination contre la variole? Non. Monsieur du Tamiflu. Ah, Rumsfeld. Donald. Donald, bah c'est lui qui avait l'aspartame aussi. Oui, aussi. Et lui, l'aspartame, c'était un truc qui marchait pas du tout, que tout le monde jugeait totalement merdique et dont il ne se servait pas. Et comme par hasard, quand il est rentré au premier gouvernement Bush, il a fait passer, l'aspartame a été homologué. Et à partir de là, il y en a eu partout. Il a fait un accord avec Pepsi, avec Coca, avec tous les trucs où il a pu foutre de l'aspartame. Il a récidivé avec le Tamiflu au moment du deuxième Bush. Deuxième Bush, oui. Chaque fois qu'il passe au gouvernement, il s'en sert pour faire homologuer un truc sur lequel il a... Mais alors on peut raisonnablement penser que les campagnes présidentielles sont financées par des laboratoires pharmaceutiques, par... Oui. Ah oui, il y en a qui ont besoin de l'argent et les autres qui ont besoin qu'on vende leur camelote pour se faire plus d'argent. Donc c'est l'alliance, c'est les, comment on dit, les frères siamois. Sans aller trop loin, quoique, je te laisse la réponse, peut-on parler de génocide organisé? On va loin là, hein. J'ai beaucoup de mal parce que l'idée me choque, parce que quelque part c'est un génocide organisé. La seule chose que je comprends pas pour l'instant, c'est puisqu'ils ont besoin de nous pour bouffer leurs médicaments, ouais, et que plus on est malade, plus on les engraisse. Ouais. J'ai du mal à me dire qu'ils veulent nous faire mourir, quoi. Mais bon, en tout cas, ils en ont rien à foutre qu'on meure ou que les enfants soient en chimiothérapie à 3 ans, quoi. Parce que tu penses que ces gens-là, tu parlais des chemtrails tout à l'heure, hein. Je veux dire, ça nous tombe sur la gueule à tous, hein. Oui. À Paris, régulièrement, on voit ces traînées partout, dans le ciel. Partout. Mais eux aussi. Ils vivent pas dans des bunkers, ils vivent pas dans des, c'est pas des Michael Jackson, ils sont pas dans leur petit appartement, dans oui, des mais bulles, c'est etc. C'est pour ça que ça veut dire que eux aussi, ils en prennent à travers la gueule. C'est pour ça que je pense que c'est pas qu'une question de fric et de pouvoir. Je pense que, effectivement, il y a autre chose derrière. Sans tomber dans les pouvoirs occultes et bon, tout ce qu'on, il y a forcément une autre lutte derrière, parce qu'autrement, et puis je sais pas, peut-être que ces gens-là, je pense que quand ton but c'est de faire du pognon par tous les moyens et d'avoir le pouvoir sur les autres, je pense je regardais une vidéo de Michel Drac il y a quelque temps, ouais, où il avait une image qui était très vraie. Il disait, ces gens-là, ils nous regardent d'en haut de leur, ils nous regardent comme un nid de fourmis du haut de leur building de verre. Et ils doivent se demander en plus pourquoi on râle, puisqu'ils nous filent à bouffer, ils nous filent à boire. Et on a des maisons pour s'abriter. Donc, ils doivent même se demander pourquoi on gueule, quoi. Parce qu'on est de la... On est de la chair à... Je sais pas quoi. Avant, c'était la chair à canon. Et maintenant, on est là pour ingurgiter leur saloperie et leur faire gagner un max de pognon. Sinon, ils se seraient arrêtés il y a longtemps. Moi, j'ai vécu 12 ans aux États-Unis. Déjà, à Los Angeles, j'ai vu des gens à Los Angeles où, pour les soigner, on était obligé d'abattre le mur de leur maison tellement ils étaient gros. Mmh. On pouvait pas les sortir par la porte. Je veux dire, si vraiment ils se posaient des questions, enfin, c'est les gens qui voient ça, s'ils étaient bien intentionnés, ils se demanderaient d'où ça vient, ils arrêteraient, ou du moins, ils arrêteraient momentanément le temps de chercher. Mais ils le font pas parce qu'ils savent très bien d'où ça vient. Mmh. Ils savent bien que quand on met 3000 calories de sucre dans un petit ice cream comme ça, ils savent très bien ce que ça fait. Oui, mais c'est aussi à nous tous, quand de refuser d'en bouffer des saloperies comme ça. Je te disais tout à l'heure, quand la viande est à 2 €, quand certaines grandes surfaces, acculent les paysans en les obligeant à vendre à perte et en leur disant sinon vous êtes virés de l'enseigne, ou alors il faut que vous cassiez vos prix de 40% parce que c'est l'anniversaire de telle centrale d'achat, etc. Ils savent très bien qu'ils vont pas avoir. Tu penses à Christian Vélo là? Entre autres, non. Non, pourquoi? Les marges arrière, des grandes surfaces. Oui, oui. Non, mais je veux dire, c'est ça. Non, mais j'y pense parce que... Mais alors, attends, parce que... Ils savent très bien que les gens vont pas avoir du rhum steak dans leur assiette. Non. Donc, ils savent très bien qu'ils leur vendent de la merde et oui, ils l'assument. Mais attends. S'il y a de l'offre, il y a de la demande et vice versa. Tu parles de ces ice cream, de merde, de saloperie, de enfin, j'ose pas dire les mots parce que je veux devenir vulgaire, mais nous sommes pas obligé d'en prendre, d'en consommer. Oui, mais tu dis ça, moi je te dis encore une fois, j'ai vécu 12 ans à Los Angeles où c'était vraiment déjà ce qu'on vit ici maintenant, on n'en est pas arrivé au quart de ce qui était déjà... Parce que le pire est à venir. Ah bah oui, parce que les gens, s'ils continuent à se gaver de plats préparés, ils bouffent sans arrêt des additifs qui ont des conséquences. Faut tu parlais de Corinne Gouget, mais je veux dire, elle a parlé beaucoup des additifs, mais il y a quelques personnes qui l'ont fait. Mais je veux dire, faut voir ce que ça donne. C'est-à-dire que quand tu regardes la liste de chaque additif et leurs effets secondaires, c'est pas rien. Ce sont des cancers, des maladies cardiovasculaires, des changements génétiques... mais ça permet de vendre des médocs. Oui, mais enfin, on ne sait pas ce qu'on va devenir parce que, par exemple, bouffer des OGM, je regrette. Mais pourquoi il y a une explosion des maladies auto-immunes? Alors ça, c'est pareil. Ils vous disent, on peut pas avoir de relation de cause à effet. Ouais. Mais enfin, quand on voit que dans le sillage d'une façon de faire, il y a une maladie qui s'installe et qui ratisse tout sur son passage, on peut quand même se poser des questions. Pourquoi il y a une explosion des maladies auto-immunes? Peut-être, je dis peut-être, ils devraient se dire peut-être, ouais, moi j'en suis sûre, ouais, et je suis pas la seule, c'est que quand on met, notre corps a été programmé avec un système immunitaire qui lutte contre les ADN étrangers. Quand on lui fait ingurgiter des OGM, quand on lui fait ingurgiter des vaccins qui sont OGM ou qui ont une protéine créée par OGM, Ben, que fait le corps? Il se défend contre les protéines qu'on lui a injectées, contre les OGM qu'on lui a injectées. Donc ils savent très bien qu'ils sont en train de créer des maladies auto-immunes. Quand ils fabriquent des cancers sur cellules cancéreuses en radio, en bioréacteur, ils le savent. Enfin, faut pas être sorti de Saint-Cyr. On sait que quand on fait un vaccin qui a été cultivé sur des œufs, il y a des traces d'albumine. Ouais. Donc on peut se douter que si on le cultive sur des cellules cancéreuses, il y a des chances que les gens développent une tumeur quelques années après. Pourquoi ils continuent? Tu veux dire, ils fabriquent des médocs pour soigner les effets d'autres médocs qui, on n'en sortira jamais. Ben non, ils le font exprès. C'est-à-dire, un, ils fabriquent plus des médicaments pour nous soigner, ils fabriquent des maladies pour nous faire consommer des médicaments. Et maintenant, effectivement, oui, il y a 300 vaccins qui sont à l'étude, dont certains pour soigner les effets secondaires des vaccins. Donc, si on va au bout de la logique, tu vois, c'est, enfin, peut-être que la seule chose dans mon parcours qui fait que j'ai un point commun avec Marc Girard, c'est que j'ai fait des études de maths et donc, en maths, je veux dire, la logique est quelque chose de, bon, peut-être que s'ils font des vaccins pour soigner les effets secondaires des vaccins, c'est qu'ils reconnaissent qu'il y a des effets secondaires dans les vaccins. Donc, pourquoi est-ce que l'AFSAPS refuse de prendre en compte les gens qui appellent en disant « mon enfant a tel et tel effet secondaire ?» On leur dit « Non, vos enfants, il faut plutôt les mettre en hôpital psychiatrique. Il n'y a aucune preuve que ce vaccin ait des retombées et des effets secondaires. » Voilà. Encore un domaine dont les médias ne parlent que très peu aussi, la psychiatrie. Il y a des sujets très dérangeants, hein. J'en ai parlé ici, mais je te dis, de temps en temps, t'as envie de dire, oh ben, je vais parler de cul, par exemple. Ça sera plus vendeur, ce sera plus médiatique. Mais parler de la santé, surtout pas. Surtout pas. Parce que, on peut se poser la question aussi, comment, cette apparition de la maladie d'Alzheimer, qui est en train vraiment, la maladie de Parkinson. L'autisme et la maladie d'Alzheimer, on commence à avoir une très vague, plus que précise idée de là où ça vient. Je veux dire, l'autisme est lié au mercure dans les vaccins, ça c'est, et dans, j'ai vu justement le film qui a été fait sur le travail de Maxence Layet. C'est par exemple les ondes qui se répercutent sur les amalgames dentaires, etc. Enfin, Maxence qui sera là demain de 17h à 19h. Ah oui, bah tu lui donneras le... Bien sûr, ouais. On commence à avoir une vague idée que tout ce qu'ils font est nocif pour l'être humain. Tout ce qu'ils font est néfaste pour l'être humain. Alors est-ce que c'est un génocide organisé? Je sais pas, je pense que leur idée est de dire qu'on est trop nombreux sur la planète, c'est du pipeau, ils en ont rien à foutre. Mais je pense que c'est encore une façon de nous faire avaler beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'ils font met en danger l'être humain. Que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, que ce soit ce qui se passe là-haut, que ce soit les poissons, je sais pas ce qu'on va pouvoir manger, comment on va pouvoir respirer. Manger du poisson 2 fois par semaine, manger 5 fruits et légumes par jour. Je veux dire, nous sommes bien conditionnés, mais les moutons, c'est quand même nous, merde. C'est quand même nous qui avons le pouvoir de dire non. Oui, mais et pas pour longtemps, hein, parce que là, c'est en train de se resserrer à une telle vitesse que je pense que c'est maintenant qu'il faut absolument se rebeller, parce que sinon, ce sera trop tard. C'est-à-dire que ça va être trop tard, parce qu'on va être tous intoxiqués. Non, je pense pas, mais je pense qu'il faudrait pas tarder à être nombreux à manifester notre mécontentement, pour le dire poliment. En allant dans la rue. Je sais pas s'il faut aller dans la rue, parce que là j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu. Et quand je dis que les taux se resserrent, c'est que je pense qu'ils s'en foutent vraiment. Quand tu regardes ce qui se passe dans les autres pays, en Grèce, en Espagne et tout, ils s'en tapent. Quand les gens descendent dans la rue, on leur met les canons à eau, on leur met des bombes lacrymogènes et on les tabasse et on les met en prison. Donc je pense pas qu'ils vont être plus gentils avec nous. Mais par contre, je pense qu'on peut arrêter d'acheter. Philippe David écrit, quand on dit des choses dérangeantes, on a droit à la censure médiatique. Eh oui. Oui. Eh oui, mais on a droit, c'est peut-être aussi à nous. Moi, jamais je croirais que l'union fait la force, hein, je veux dire, si ça n'a plus de sens, ce genre de choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on va se faire 2 heures tranquille tous les deux. Si, ça a un sens. Mais ce qu'il faut, c'est, moi, je crois aussi beaucoup à ça. Je crois que ce que tu viens de dire est vrai. On n'est pas obligé d'acheter leur merde. On n'est pas obligé. C'est-à-dire que, à partir du moment où on prend conscience de ce que c'est, On n'est pas obligé, on peut faire pousser ses légumes sur son, même chez soi, hein, je veux dire, on peut ouvrir sa fenêtre, mettre un bac devant, et même si ça va pas faire la production de ce qu'on mange oui. toute l'année, mais je veux dire, juste leur dire merde. Les graines, tiens, hier matin, j'adore les marchés, je faisais mon marché hier matin, et puis j'arrive vers un marchand de fruits et légumes, et j'adore la coriandre, j'adore toutes ces petites herbes aromatiques qui sont bonnes, tu vois. Et vraiment, ils avaient une sale gueule, l'estragon, le coriandre, le thym, tout ça avait une sale gueule. J'ai dit, mais vous vendez ça 90 centimes. Ils ne se rendent même pas compte que 90 centimes, si tu multiplies par 6, c'est 6,50 ou 6,60. Ils ne se rendent pas compte que le prix que ça coûte, en définitive. Et je lui ai dit, mais c'est la fin du marché. Vous allez garder vos trucs pourris, personne n'en voudra. Il me fait, monsieur, vous voulez que je vous les donne? Je lui ai dit, même si vous me les donnez, je ne les prendrai pas. Tu vois? Et le mec, il a accusé le coup. Mais le marché, c'est convivial. Je veux dire, mettez-vous dans la tête que nous avons le pouvoir. C'est bien ce que je te dis. Et l'autre chose, c'est de dire, on ne marche plus. C'est-à-dire, ce que vous mettez... En plus, c'est facile de voir à quel point ils se foutent de notre gueule. Parce que, par exemple, quand il y a eu l'histoire de la viande de cheval, ils ont dit plus jamais maintenant. Hollande est venu et a dit... Il va y avoir maintenant des commissions, des enquêtes et tout. On va renforcer la traçabilité. Mais on s'en fout de la traçabilité. C'est pas ça qui nous Qu'est-ce intéresse. Que j'en ai à faire, moi, que la vache vient du Limousin, de Roumanie ou de Grèce ou de... Ce qu'on veut savoir, c'est comment elle est élevée, qu'est-ce qu'elle bouffe et dans quelles conditions, je veux dire, qu'est-ce qu'on lui donne? Est-ce que ce sont des OGM, etc.? Est-ce qu'elle a été maltraitée? Voilà, c'est ça. On essaye de nous dire que s'il y a marqué fabriqué français, c'est bon, c'est pas vrai. Quand j'ai discuté avec les gens de la Confédération paysanne et tout, quand j'ai écrit le complot, ils m'ont dit, mais c'est une aberration. Je veux dire, les trois quarts des vaches, les camemberts, etc., tout ce qui n'est pas AOC, tout ce qui n'est pas bio ou AOC, les vaches sont nourries avec des OGM. On nous dit, alors effectivement, la grande hypocrisie en France, c'est que les OGM sont pas autorisés à la culture, mais ils sont autorisés à l'importation. Donc, encore une fois, quand tu as des vaches qui sont traitées de façon immonde, qu'on leur donne à bouffer de la merde, vraiment de la merde, tu penses que les gens vont se... Et que en plus, les grandes surfaces demandent à toucher le kilo de viande à 2 euros, tu penses qu'ils vont leur donner autre chose que des OGM? Tu vas mettre un petit additif alimentaire, un petit colorant, un petit renforçateur de goût, un petit truc machin, un petit truc... Mais en fait, c'est ça, c'est que dans les plats préparés, il faut que les gens sachent qu'on mange du caoutchouc, on mange des molécules chimiques, avec, comme ça n'a pas goût à nourriture, ça n'a pas la texture de la nourriture, et ça n'a rien de la nourriture. Ils rajoutent des colorants pour que ça ait la couleur de la nourriture, du gras pour que ça ait la texture de la nourriture, du sucre pour que ce soit appétant et qu'on ait envie, qu'on soit addicté, du sel parce que ça cache un peu toutes les saloperies, ouais. etc. Ouais. Et voilà, donc est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment manger? Mais oui, mais les femmes vont te répondre, on a déjà suffisamment de boulot, le mari, le travail, les enfants... Bon, on aime bien acheter des trucs Findus ou des trucs Picard, parce qu'il faut pas l'oublier, Picard. Hein. Findus, ils en ont pris plein la gueule, mais Picard, faut pas l'oublier non plus. C'est peut-être nous aussi, nous méritons que ce que nous méritons. Je veux dire, moi j'aime faire la cuisine, toi tu fais ta cuisine. Moi j'aime pas faire la cuisine, moi j'aime faire la cuisine deux ou trois fois par an quand j'invite des super potes à la maison, et là je m'éclate et je ferai n'importe quoi pour leur faire plaisir. Mais cuisiner tous les soirs, ça m'ennuie profondément. C'est vrai ? Ah oui, oui. Ben, j'ai pas le temps. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le temps, oui. Mais par contre, je m'y suis remise et c'est pas facile. Faire son potager, c'est pas facile. Tu en as fait un, hein? Tu en as un? Ah, mais ça fait 5-6 ans que j'en ai un. Mais maintenant, l'année dernière, par exemple, j'avais des super tomates et tout. Du jour au lendemain, ma voiture a eu ça de chewing-gum noir sur ma voiture et celle de mes enfants, sur toute la voiture. Et les tomates sont devenues noires. Enfin, les tiges sont devenues noires. Et les tomates n'étant plus nourries, ben, on finit par mourir. Voilà. Et c'est un peu comme ça que je me suis intéressée de plus près aux chemtrails aussi. Ouais. Et j'ai rencontré, la preuve qu'on rêve pas, j'ai rencontré à la poste, tu vois, en allant poster mes paquets, j'ai rencontré un monsieur qui pestait aussi contre ces tomates, qui dit, mais c'est incroyable, cette année, dans la vallée de Chevreuse, on n'a rien, tout a poussé du jour au lendemain, plus rien. Ce monsieur, c'est André Picot, qui est un des plus grands chimistes qui se bat beaucoup contre les gaz de schiste. Ouais. Et bon, donc c'est pas non plus un plaisanteur, on n'est pas fou, hein. Je veux dire, on n'est pas Donc voilà, donc ça prouve bien que ça existe. Donc après ça, si les gens veulent le bouffer, mais autrement, oui, c'est vrai que c'est un vrai travail. C'est un vrai travail de faire son potager, de lutter toute l'année dernière. Je me suis battue contre les limaces, tu vois. Mmh. C'est terrible. Parce que les gens vous disent, bah, mets des trucs. Non, si on met des trucs chimiques, ça le fait pas. Mmh. Donc les limaces, faut leur donner de la bière. Mais quand il pleut, tu mets de la bière dans des petits bacs. Mais quand il pleut... Non, quand il pleut pas, les limaces sont bourrées et elles ont une belle mort, tu vois. Mmh. Sinon, t'as les coccinelles aussi, qui est un... Alors ça, c'est encore un truc, il y a des coccinelles qui viennent d'Asie. Il y a des fermes dans le 78, hein. Coccinelles et qui bouffent les aussi, coccinelles. Oui. Et qui sont pas bonnes du tout. Il y a des élevages de coccinelles, hein, dans le 78 d'ailleurs. Mettre les coquilles d'œufs, alors tu vois, c'est pas facile. Mmh. Et après, quand t'as récolté tes légumes ou quand tu vas dans une AMAP, faut déjà que tu grattes toute la terre qu'il y a dessus. Faut que tu les pelles, faut que tu les accommodes. Claire. Mais non, mais je veux dire, c'est une démarche. Oui, aussi. Quand les gens disent, mais moi, j'ai pas le temps. J'ai des gens qui me disent aussi, des fois, mais moi, j'ai pas les moyens. Moi non plus, j'ai pas les moyens. Et moi, j'ai pas le temps. Moi non plus, j'ai pas le temps. Mais tu sais, moi, je me souviens, je cultivais, j'avais mon jardin potager, mes pommes de terre. Je me levais très tôt le matin et les doryphores, j'allais les enlever les uns après les autres, voilà. À la même, parce qu'il y avait pas d'autres moyens. Philippe écrit, et quand on pense que le club Hippocrate, qui rassemble les parlementaires qui s'occupent de la santé et sponsorisé par GSK. Bah oui. Et il faut voir les noms qu'il y a dedans aussi. Tu peux en balancer quelques-uns comme ça puisque de toute façon tout le monde le sait. Ah bah c'est peut-être dans le papier de Philippe. Est-ce que c'est dans le papier que Philippe m'a envoyé? Oui. En 2010, tu écrivais déjà, les animaux transgéniques existent déjà en laboratoire de recherche agronomique ou médicale avec des bœufs au postérieur hypertrophiés, des porcs sans yeux pour grossir plus vite du fait de leur immobilité ou à quatre jambons sur le modèle du poulet à quatre cuisses récemment fabriqué aux États-Unis au milieu des clones animaux et autres végétaux hybrides et stériles. Chez la vache, plusieurs modifications ont été effectuées afin de changer la composition de son lait, d'en augmenter la production ou d'en diminuer la teneur en lactose, mal supportée par certains consommateurs. Ah non, mais là, ils sont même en train d'essayer de mettre au point des vaches qui feraient du lait humain. Alors, Non, mais voilà. Est-ce qu'on a... Enfin, je veux dire, je veux pas paraître rétrograde, mais je veux dire, est-ce que l'être humain a vraiment été fait pour bouffer ça, quoi? Est-ce que c'est ce qu'on a envie de manger? La vache, en principe, le lait, c'est le petit, le veau. Non, mais enfin, est-ce qu'on a envie de manger? Moi, franchement, ça m'a tellement dégoûté que maintenant, je mange pratiquement plus de la viande, j'en mange pas. Je mange de temps en temps des carbonara, avec un vent, je sais bien, c'est du cochon aussi. Mais je veux dire... Je peux plus. Quand je vois des choses comme ça, je peux pas. Je peux pas me dire que je vais bouffer un cochon qu'on va mettre au monde sans les yeux pour qu'il déjà qu'ils restent sans bouger, avec leur urine dessous, sans pouvoir lécher leurs petits, sans pouvoir se retourner, se gratter. C'est quoi ça? Je veux dire, on fabrique quoi là? Mais ce dont tu parles, Claire, je pense que tout le monde est conscient de ça. Non, je pense. Alors, je suis pas du tout d'accord avec toi. D'accord, je mais tu as raison. Je pense que les gens, tu as beau le leur dire, ils. Oui. D'abord parce que la société qu'ils ont créée est faite aussi comme ça. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont à un supermarché, avant, quand tu achetais ou même quand tu achètes un poulet bio, les trois quarts du temps, il a encore la tête et les pattes, et tu vois que tu manges un poulet qu'on vient de tuer. Maintenant, les gens, ils font leurs courses en supermarché, ils prennent des gésiers, ils prennent 10 ailes de poulet, ils prennent un magret de canard. Des pilons. C'est détaché complètement de l'animal et de l'être vivant. Ouais. Détaché. Je suis persuadée que les trois quarts des gens se rendent même plus compte qu'ils sont en train de bouffer des êtres vivants. Ils mangent de la bidoche, comme dit Nicolino. C'est tout. Ah oui, alors lui, il est remonté pas hein, contre oui, la boucherie. Il a raison. Hein. Il a raison, ouais. Je vais l'inviter, tiens. Du tout conscients qu'ils sont en train de bouffer des êtres vivants qui ont vécu un calvaire. Un calvaire. Bon, souviens-toi. En plus de ça, quand tu crois en certaines choses, quand tu manges des bêtes qui ont accumulé une vie de souffrance pareille et un stress pareil quand on les amène à l'abattoir et la façon dont on les tue, ça peut pas être anodin pour nous. Je veux dire, karmiquement, ça peut pas être anodin pour nous. Un message de Gemini que je salue. Content d'avoir de tes nouvelles, Gemini. Bonsoir Claire, bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Merci tout d'abord pour le sujet de cette émission. J'ai entendu récemment que le purin d'ortie était interdit et que son utilisation était frauduleuse. car les conséquences d'une fuite éventuelle dans un ruisseau ne sont pas connues et donc c'est dangereux. Sauf qu'on autorise en parallèle plein de fertilisants ou d'herbicides qu'il faut pulvériser avec des masques et des combinaisons et prendre de multiples précautions pour éviter de mourir dans le quart d'heure. Là, j'exagère un peu. Il y a aussi une taxe que doivent payer certains agriculteurs qui utilisent leurs propres graines issues de récoltes de l'année précédente et non les graines hybrides et achetées tous les ans à grands groupes. Bref, tout cela est effarant. Et pourtant, ces infos-là sont passées dans de grands journaux télévisés sans que cela ne gêne personne. Merci encore à vous, Claire, pour votre détermination. À bientôt. Merci. Oui, le purin d'ortie, c'est très drôle parce qu'il fait partie des je sais plus comment ça s'appelle, c'est les substances peu préoccupantes ou un nom comme ça. Donc déjà, pour leur donner un nom comme ça, il faut qu'ils aient reconnu qu'elles, si elles sont pas préoccupantes, c'est qu'elles sont pas dangereuses. Oui. En plus de ça, le purin d'ortie, tout le monde en a, hein, des orties. Moi, j'en ai plein chez moi. Oui. Il y en a dans tous les champs, dans toutes les campagnes. Donc je pense que c'est pas parce qu'il est dangereux, c'est parce que c'est pas brevetable. Oui. Donc comme c'est pas brevetable, parce que je vois pas comment Monsanto pourrait avoir une exclusivité sur le purin d'ortie, ben ça devient interdit. Et oui, c'est passible de 2 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Et pourtant, moi je me souviens, je parle encore de moi, mais je me souviens de ma grand-mère maternelle qui avait son petit jardin potager dans la région de Vichy. Et puis il y avait la cabane au fond du jardin, tu vois, ce dont je fais allusion. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas les fosses septiques comme maintenant, il n'y avait pas les trucs chimiques. Et ma grand-mère utilisait le caca humain comme engrais, et les légumes étaient super beaux. Ils étaient géniaux, mais c'était des vrais tomates. Tiens, à propos de tomates, tu as parlé de Marmande tout à l'heure, tu as le bonjour de Jean-Pierre Bameul. Oh! Qui nous écoute aussi. Ah bah, que bisous. Avec qui j'avais fait une émission il y a quelques années, qui était restaurateur de CD ou de choses comme ça. Ou non, pas de CD. Ah, tu m'as fait peur, j'ai cru que j'avais un restaurant. Non, mais il est parti, il a créé une radio là-bas. En Lot-et-Garonne, oui, Marmande, c'est dans le Lot-et-Garonne. Ah oui, non, mais je savais pas qu'il avait créé une radio. Mais oui, tu sais, ça donne des idées, hein, ça donne des idées, tout ça. Ce livre, Complot mondial contre la santé, donc ça va faire 2 ans et demi maintenant, il n'y a pas eu d'interdiction spécifique, tu as pu racheter les droits du livre sans difficulté? C'est le même imprimeur? Non, parce que en fait, quand mon éditeur a été très malade, et qu'il était aussi l'éditeur de Sylvie et de beaucoup d'autres, il a donné la société à gérer à un monsieur qui s'est empressé de nous, en fait, pour parler sous, puisque des fois les gens posent la question. En fait, les auteurs, on est payés une fois par an en juin. Et ce monsieur a eu la délicatesse de déposer le bilan fin mai, ce qui fait que on a tous été pas payé, grugé pour 1 an et demi de travail. Mmh. Et donc, je suis allée le voir et je lui ai expliqué vraiment très fermement que je savais que l'argent, j'en verrais pas la couleur, mais que je voulais récupérer mes droits. Donc, il m'a rendu mes droits. Un message de Cécile, je dois quitter. Bonne soirée à tous. Merci Jean-Claude de nous avoir proposé cette émission. Merci à Claire Sévrac pour son punch, sa ténacité et comme le dit JC, je fais aussi ma part du colibri, espérons que cela fasse un effet. Bisous à tous les deux. Bah merci. Et ouais, colibri, vous avez vu, ils sont en train de faire des semences partout, les femmes semencières, dans tous les endroits, n'importe où dans Paris et tout. Faut mettre des semences là sur ta pelouse et tout, et que les gens partagent les légumes avec les gens de l'immeuble. Mmh. Ah oui, ce serait sympa, tiens. Bah vas-y. Tiens, je suis en train de penser. J'ai bien envie de le réinviter, mon Pierre Rabhi, parce que je pense qu'on a besoin d'hommes comme lui, clou, de femmes comme toi, comme Sylvie Simon, parce qu'elle a été un peu seule à un moment, Sylvie. Elle était un petit peu seule, le petit mec qui partait au combat, quoi. Elle doit se sentir quand même vachement mieux maintenant depuis qu'elle sait que tu es là aussi, Claire Sévrac. Oh, je suis pas seule, elle a des amis, elle a beaucoup d'amis, oui. Sylvie. Oui, mais dans ce style d'investigation, d'enquête, vous n'êtes pas nombreux quand même, il faut le dire. Non, on n'est pas nombreux, mais on est suffisamment pour... Il paraît qu'il faut 5%. Pour que la conscience générale bascule, il faut atteindre 5% de la population, donc on va y arriver. Bon, mais je pense que je t'ai posé toutes les questions. Y a-t-il une chanson? Ah si, tu es prête à rester encore quelques instants? Ça dépend ce que tu vas passer. Non, ce sera pas une chanson de toi. Ah. C'est une chanson de... Écoute, je suis en train de réfléchir parce que j'aimerais bien passer une chanson de toi. Mais en même temps... Oui, nous sommes des marionnettes. Nous sommes des marionnettes, ce n'est pas nous qui agitons les ficelles. On n'est pas, enfin, je veux dire, quand on en prend conscience, on peut ne plus l'être. Hein. Oui, mais comment faire? Parce que, moi, je tiens à toutes ces émissions, à tous ces invités depuis le mois de septembre. Il faut apprendre à dire non, c'est simple. Mais comment dire non? Comment ça, dire non? Je veux pas m'empoisonner avec les vaccins, donc je les fais pas. Ouais. Je veux pas m'empoisonner avec les mammographies, donc je ne les fais pas. Je veux pas m'empoisonner avec des légumes aux pesticides, j'en bouffe pas. Je veux pas m'empoisonner avec les plats préparés, je n'en bouffe pas. C'est simple de dire non. On a juste oublié, on nous a juste fait croire pendant des années que ça se faisait pas. Depuis des décennies, les grands groupes pharmaceutiques sont les financiers des plus grandes écoles et des formations de médecins. Ils occupent en sous-main les commissions sanitaires des pays et des instances internationales. Ils sont partout, mais on ne les voit nulle part. Comment opèrent-ils? Comment étouffent-ils les scandales sanitaires? De la naissance à la mort, chaque individu est une mine d'or pour eux. Les pandémies des périodes fastueuses et la vraie fausse pandémie de grippe A en est un exemple de plus. C'est pour ça que tu as écrit ce livre, parce que je pense que tu as pris conscience de la gravité de la situation et que... Qu'est-ce qui a fait que c'est simplement le facteur déclencheur, ça a été que ça, Claire. Oui, mais le facteur déclencheur, ça a été ça. Mais après, c'est ce que je trouvais dans mon enquête et je me disais, mais des fois, je me demandais pendant des heures, j'arrivais pas à écrire une ligne parce que je me demandais si j'étais folle, quoi, si j'avais bien compris ce que je trouvais ou s'il y avait une chance que je me trompe. C'est comme ça que je suis allée voir Marc Girard pour lui dire, voilà, vous me paraissez pas un complotiste. Vous me paraissez avoir les pieds sur terre. Voilà ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, oh, mais c'est bien pire que ça. Mmh. Alors bon, encore une fois, si c'est quelqu'un qui est pas au courant ou qui a des facultés un peu émoussées, mmh. On peut ne pas le croire. Quand c'est des gens comme Marc Girard, Jean-Pierre Berland, qui disent ce genre de choses, on se dit, bon... Ces gens qui sont bac, non seulement ils sont bac plus 12, ouais. mais en plus de ça, je veux dire, ils connaissent les sujets. Tu as lu le nouveau livre de Marc Girard, La brutalisation du corps féminin? J'en ai lu des extraits. Oh, c'est hallucinant grave, quoi. Et on en parle, il en avait parlé déjà, il était un des premiers à parler des méfaits de la pilule contraceptive. Mais tu as vu comme ça, ça fait la une pendant 8 jours, 10 jours, 15 jours, et puis après plus personne n'en parle. Non, et mais pendant 100, les femmes meurent. C'est surtout que ce que je trouve dingue, c'est que personne ne... Enfin, quand je dis personne, c'est parmi les journalistes lambda et parmi le public, personne ne relève les incohérences qu'on nous dit à longueur de journée. C'est-à-dire que, par exemple, que tu aies un médicament, que tu aies une pilule contraceptive qui donne comme effet secondaire une prise de poids, je pourrait à la limite comprendre. Mais que tu aies un médicament contre l'obésité qui soit à la même temps contraceptif et du coup qu'on le prescrive comme contraceptif, oui. C'est hyper grave. C'est hyper grave. C'est ce qui s'est passé avec le Mediator, qui n'est pas un contraceptif. Bon, enfin, cela dit, il y a des tas de trucs très graves. Mmh. Je veux dire, maintenant, il y a des études qui sont faites sur l'eau du robinet qui prouvent que les poissons sont en train de changer de sexe. Je veux dire, on est en train de... Enfin, pourquoi la fertilité est tombée de 50%, les spermatozoïdes ont 50% de moins de fertilité. Je veux dire, tout ça, les gens entendent ça comme un bruit de fond, quoi. Normalement, quand on a, enfin moi, je suis montée au créneau parce que je me suis dit, je suis pas spécialement con ni spécialement intelligente, et je me suis fait avoir comme une bleue pendant des années. Mmh. Donc maintenant, terminé, en dehors du fait que j'étais vexée comme un pou, c'est la rage maintenant, et que ma fierté en a pris un grand coup. Après, je me suis dit bon, alors maintenant, j'ai ma part de responsabilité puisque je me suis laissée avoir. Balader comme tout le monde. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Bah, ce que je peux faire pour réparer, c'est expliquer aux enfants qui naissent et aux plus grands que c'est où est la malhonnêteté et qu'il ne faut pas l'accepter. Il faut qu'ils sachent qu'on nous ment. Il faut qu'ils apprennent à dire non. Oui. Il faut qu'ils sachent que la politique, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, c'est-à-dire que la droite et la gauche siègent ensemble dans les sociétés secrètes qui nous gouvernent et qu'ils en ont rien à taper. Ils font semblant de se rentrer dans la gueule, je veux dire, dans les émissions de télé et au Parlement. Mais Monsieur Cahuzac, vous avez menti, hein. Oui, vous voilà. N'êtes pas digne de. Puis il va revenir. Et puis il y a des trucs quand même qui prouvent. Sans être de droite ou de gauche, il y a quand même des trucs extraordinaires. C'est que je sais même pas si c'est vrai ou pas, mais le dernier exemple qu'il vient de nous donner, c'est Claude Péan. On nous dit, ce monsieur a touché 500 000 euros, etc. Bon. Franchement, quel est celui d'entre nous, s'il touche 300 euros au noir, qui va le mettre sur son compte en banque et qui va garder la facture qu'il a payée avec? C'est-à-dire que le citoyen lambda sait que c'est pas autorisé et que si jamais quelqu'un le paye au noir, il va surtout pas le dire, etc. Ce monsieur a 500 000 euros qui sont baladés sur ses comptes en banque et il a gardé les factures de tout ce qu'il avait payé au noir. C'est-à-dire qu'il faut voir jusqu'à quel point l'impunité leur est acquise. Ils peuvent même pas se douter qu'il va leur arriver quelque chose. Ah ben si, moi je leur annonce, hein, ils vont mourir. Et même quand il y a un changement de gouvernement, ils se sentent à l'abri. Ouais, il aurait pu les enterrer dans le jardin de sa maison de campagne, les preuves, ou je sais pas. Ouais. Non. Non, mais c'est l'insolence, l'arrogance du monsieur ou de la dame, parce qu'il y a aussi quelques dames. Tu écris, il faut commencer à dire non, on n'achètera pas de produits contenant des pesticides. Non, on n'achètera pas de produits qui ont trois fois plus que nécessaire de sel ou de sucre. Ne pas se laisser avoir par leur compagne, où ils viennent, la main sur le cœur, nous dire, il faut absolument vous faire vacciner. En plus, c'est dégueulasse, parce que souvent, ils disent, si ce n'est pas pour vous, faites-le pour protéger vos proches. Et la pub. Quelle est la maman qui n'a pas envie de protéger son enfant? Donc, c'est quand même limite, quoi. Quand on regarde en plus ce qu'il y a dans les vaccins, etc., etc. Mais c'est bon. Mais moi, je les ai au téléphone, les petites filles qui sont victimes du garde-asile. Moi, je le vis en direct et encore pas en direct comme elles et leur mère. Quand tu as des mères, j'en ai encore une qui m'a appelée hier, qui m'a dit, ma fille allait bien pendant quelques mois et tout. Maintenant, ça va plus du tout de nouveau. C'est-à-dire que elles vivent un enfer. Elles sont 4 mois sur 5 à l'hôpital. Elles ont toutes sortes de maladies, des lupus, des risques d'AVC, des maladies de Guillain-Barré, des myofasciites à macrophages. Et ils foutent en l'air des gamines qui ont 14 ans. Pour rien, en plus, je veux dire, et puis ça va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire il y en a qui ont des lupus, elles ont des furoncles sur les ovaires, on leur dit, c'est pas grave, on va vous enlever l'ovaire, et après elles vous disent en pleurs, mais si jamais ça m'arrive au deuxième ovaire, comment je fais, je deviens stérile à 18 ans. C'est tout le livre de Marc Girard, La brutalisation du corps féminin, où on enlève un sein à une femme comme un petit truc, quoi, c'est une écharde. Mais ça, c'est pareil, voilà, il y a des études qui ont été faites maintenant en Allemagne, etc., sur des gens qui sont morts d'accidents ou de morts naturelles, enfin, ou de crise cardiaque, etc. On s'est aperçu que les trois quarts de ces gens-là avaient des cellules cancéreuses à tel endroit ou tel endroit de leur corps, etc., quand ils ont fait les études. Si elles avaient été détectées, on les aurait opérées ou on leur aurait mis une chirurgie ou une chimiothérapie lourde qui aurait peut-être fini par avoir leur peau, alors qu'ils pouvaient très bien vivre avec des... Enfin, je veux dire, je suis pas médecin, donc c'est pas à moi de faire les dosages. Mmh. Enfin, il y a quand même des trucs aberrants. J'ai aidé à la défense du docteur Molinier qui est à Bordeaux, qui a guéri je sais pas combien de gens... Et d'ailleurs, les gens sont venus et tout quand il est allé devant le conseil, ils l'ont mis devant le conseil de l'ordre. On lui a répondu devant le conseil de l'ordre que ça, en fait, oui, il avait effectivement soigné des gens, mais il l'avait pas fait avec des choses autorisées. Parce qu'il accepte pas de donner le protocole total du laboratoire le même à tout le monde. Il pense que les gens sont pas les mêmes et que donc, à juste titre, il me semble, voilà, à juste titre. Et ben, il s'est fait, alors là, ça c'est quand même extraordinaire. Ils ont fini par le radier en lui disant que son comportement était dangereux. Ils l'ont radié pour 1 an de l'ordre des médecins. Ils l'ont interdit d'exercer pendant 1 an uniquement envers les gens qui dépendaient de la sécurité sociale. C'est pas extraordinaire? Écoutez bien ce qu'a écrit Claire Sévrac. Quand tu fais 3 fois la même connerie, c'est plus une connerie, c'est voulu. Sinon, tu la refais pas. Au bout du bouquin, on ne peut pas dire autrement. Au bout de l'enquête, on ne peut pas dire autre chose que si ce n'est pas un complot, c'est une bande organisée, pire que la mafia, qui organise tout de A à Z pour se faire du fric à grande échelle. C'est bien toi qui l'as écrit, tu assumes. Mais je l'assume totalement, mais je le pense totalement. C'est ce que je dis, complot. Ils ont fait une polémique sur le mot complot, bon. Mais même, effectivement, si ça n'est pas un complot, c'est quand même les mêmes gens qui se réunissent derrière notre dos à travers des sociétés secrètes pour prendre des directives qui pèsent sur nos vies totalement, qui nous rendent malades, et ils s'en foutent. Donc ça s'appelle comment? Si vous voulez, c'est une mafia organisée, je veux dire, je tiens pas spécialement au mot. Mais enfin, une mafia organisée, quand les gens comme ça, quand ils mettent en place dans le monde entier les mêmes instances, quand ils font passer des gens de Monsanto à la FDA, à la Commission européenne, le temps de passer une loi, qu'après la personne s'en va, qu'elle rentre au gouvernement, par le biais des chaises tournantes, ça s'appelle comment si c'est pas un complot? Pourquoi Obama a les mêmes conseillers que Bush si c'est pas un complot organisé par les cartels? C'est pas ça. Les gens croient voter pour des choses différentes. En fait, ils votent pour les mêmes. Bah écoutez, Claire Sévrac, c'est comme Bernadette de Lourdes, hein. Elle n'est pas là pour vous influencer. Elle est venue pour vous dire ce qu'elle avait à vous dire. Non, comme là, on nous fait peur, par exemple, avec la sortie de l'Europe. Moi, c'est ce que je dis dans les conférences. Moi, je voudrais bien rencontrer un jour quelqu'un comme nous qui soit plus heureux depuis qu'on est en Europe. Moi, j'ai cru à l'Europe, hein. J'ai vraiment cru, parce que je trouvais... En plus, j'ai vécu dans le showbiz, j'ai vécu dans la musique, j'ai vécu dans tous les pays du monde. Donc, je me sentais plus citoyen du monde et plus ouvert à tout le monde. Mais telle qu'elle est faite, c'est une pompe Afrique dont nous sommes les victimes. Qui a été plus heureux depuis qu'il y a l'Europe? Donc quand on nous dit, si jamais, ça c'est pareil, c'est le mensonge de plus, on nous fait peur. Encore une fois, on nous fait peur. On fait peur avec les vaccins, les maladies, on fait peur avec l'Europe. Si on sort de l'Europe, ça va être catastrophique. C'est pas vrai. Mais l'Angleterre n'a jamais été dans l'Europe. Ils se démerdent pas trop mal, hein. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le jour où on va dire l'Islande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bah, ils ont pris les banquiers par la peau du cul, ils les ont mis dehors, ils ont pris le FMI, ils les ont foutus dehors, ils ont dit à la Banque d'Angleterre, dehors on ne remboursera rien, on n'a pas fait le trou, on ne le remboursera pas. Ouais. Moi c'est ce que je pense, et je le dis haut et fort, je veux dire que quand on nous dit, oh, mais c'est dramatique, il y a une crise, on a vécu au-dessus de nos moyens, il faut absolument que la France se libère de sa dette. Moi je suis désolée, ça c'est pareil, qu'on me montre qui a vécu au-dessus de ses moyens, mais... je parle parmi nous. Parle pas par les gens d'en haut. Si encore nos hôpitaux étaient extraordinaires, si notre éducation était devenue encore plus extraordinaire, si notre éducation, je veux dire les écoles, etc., si la recherche, on avait dépensé un fric fou pour trouver des choses. Mais depuis 30 ans, ça ne fait que péricliter. C'est-à-dire les hôpitaux, c'est dramatique. On en arrive à plus nourrir les gens pour les laisser plus ou moins mourir parce que voilà, on n'a plus les moyens de les soigner. La bouffe est de pire en pire. L'éducation, il y a 20 ans, les gens venaient du monde entier pour être dans les facs françaises. Moi, je me souviens quand j'habitais aux États-Unis, l'image qu'avait l'enseignement français. Ouais. Les gens, les vedettes d'Hollywood venaient mettre leurs enfants en France ou en Suisse. Maintenant, on est 22e sur 23. Sur les 23 universités d'Europe, on est 22e. Par contre, ils vont changer les horaires. J'écoutais Vincent Payon ce matin. Il faut absolument réformer l'école, donc on va changer les horaires. Extraordinaire. C'est pas possible d'avoir c'est pas possible qu'ils soient aussi cons. Ils le font exprès. Ils le font exprès. On peut pas être aussi bête. Tu es vraiment en colère, hein. Oui, parce qu'avec Sylvie, c'est la question, on a une petite dissidence, elle me dit, je te jure qu'ils sont plus cons que méchants. Et moi, je prétends qu'ils sont plus méchants que cons. Ouais, ils sont cons, méchants. Ils sont là, ils touchent, et donc ils foncent, ils amusent la galerie, et puis voilà, ils prennent leur blé, et... Pour vous contenter à toutes les deux, ce sont de méchants cons. Voilà, d'ailleurs, des méchants cons dans leur tête. Hein. Exactement. Hein, c'est l'accent du Pays Basque, quoi. Et non, c'est l'accent de Toulouse. De Toulouse. Mais tu sais, je me pose la question. Tous ces pays qui sont endettés, tous ces pays qui ont une dette, mais où est passé l'argent? Mais l'argent, il n'existe pas, déjà. L'argent, il n'existe pas. Faut écouter Étienne Chouard, faut écouter les démonstrations d'Étienne Chouard. il explique, l'argent n'est qu'un jeu d'écriture maintenant. Mmh. C'est-à-dire, vous allez dans une banque, vous empruntez de l'argent pour acheter une maison, en fait, la banque vous prête de l'argent qu'elle n'a pas, mais à partir du moment où elle vous le prête, cet argent existe. Donc, il y a une colonne avec l'argent que vous devez et une colonne avec l'argent qu'ils vous ont prêté. Mais les deux s'annulent. C'est pour ça que maintenant, quand on veut aller chercher des liquidités dans une banque, faut demander 3 jours avant. Ah, depuis la crise. Ah bah oui, parce qu'ils ont pris peur. Rappelle-toi quand Cantona a dit allez, tel jour on va tous retirer l'argent de la banque. La trouille qu'ils se sont payés. Ouais. Parce qu'effectivement, si on faisait ça, ils peuvent pas nous le donner, il n'existe pas. C'était une belle idée, hein. Je comprends pas pourquoi Cantona n'a pas continué, hein. Bah, moi, je pense que je comprends. Je pense qu'on lui a expliqué, oui. Il fallait pas, ouais. Sinon, il allait parce que je veux dire, c'est, je sais pas, je suis pas Cantona, je peux juste penser que pour qu'il se retire comme ça alors qu'il avait eu une idée extraordinaire. Je veux dire, c'est, mais la crise, on en parle dans le bouquin avec Sylvie, on a fait le même boulot que j'ai fait sur la santé, on l'a fait sur la crise économique. Mais la crise économique, c'est une théorie politique qui nous est appliqué maintenant, mais qui vient des Chicago Boys et de Milton Friedman, et qui a été appliqué d'abord au Chili. Leur terrain de jeu, leur premier terrain de jeu, ça a été le Chili. Après, ça a été, il faut quand même voir qu'ils ont mis Pinochet au pouvoir, hein, oui, bien sûr. Pour se faire des roudoudous nanor. Ouais. Ils n'ont pas regardé le nombre de gens qui tuaient, qui torturaient. Ouais. Ce pourrait être l'objet d'une prochaine émission avec Sylvie et toi, dans le studio. Oui. Hein. Je serais ravi de... De vous et après ils l'ont de fait en Argentine, en Argentine, après ils l'ont fait en Angleterre avec Thatcher, après ils l'ont fait en Russie, ensuite ils l'ont fait en Grèce, et maintenant ils sont... Qu'est-ce que tu penses qui va nous arriver? Nous, il n'y en a plus pour longtemps. Bernard écrit, je dis, c'est la première fois que Bernard écrit, de toute façon on en prend plein la tronche, que ce soit bio ou autre. J'ai vu où j'habitais avant un cultivateur qui faisait du maïs transgénique à 100 mètres des habitations sans que personne soit au courant. C'est soi-disant une culture expérimentale pour l'INRA. Quand j'ai vu le truc, le maire, lui et ses troupes m'ont surtout dit « Chut, faut pas alerter les gens pour rien. Enfin, ah, culture, si, tout a été brûlé. Gens. Attends, je finis le message de Bernard. Tout a été brûlé sur place comme par accident. Le paysan m'a avoué ensuite que des cultures comme ça étaient bien payées, comme quoi tout est une affaire de fric. Et ce paysan, je suppose qu'il continue à avoir les trains de vie qu'il a. C'est vrai aussi. Ah oui, mais il y a aussi Monsanto qui paye des brigades, hein, pour aller foutre des OGM dans les champs sains. Et Christine écrit, pourquoi croyez-vous que j'ai une hyperthyroïdie depuis plus de 15 ans déjà? C'est vrai que quand vous bouffez des salades en sachets plastiques, il faut que vous sachiez que ces salades, si elles se conservent pendant 8-10 jours, ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit, c'est qu'elles ont été irradiées. Tous ces aliments irradiés, et il y en a. Et le plus extraordinaire que j'ai vu, j'ai une de mes voisines qui m'a invitée à dîner il y a quelques mois. Elle était toute contente parce qu'elle avait trouvé un poulet, je sais plus où, qui dorait dans un sac plastique avec des herbes. C'est-à-dire, il est vendu comme ça, le poulet, entouré d'un sac plastique rempli d'herbes, et tu le mets comme ça, et au micro-ondes, pardon. Il dort au micro-ondes avec des herbes. Ça, c'est la totale, hein. Alors, attends, je remets mon micro. Et tu sais, on est encore là. Hein. Il y a Christine, j'ai lu ton message. Caïchien écrit, il est en Suisse centrale. Le colza est déjà en haut, beau, jaune, pétant. Vous m'expliquez comment c'est possible avec une météo humide, fraîche, garnie de quelques rayons de soleil épars. Plus d'un agriculteur a dû succomber à la petite graine OGM parce que tout d'abord, on les bascule au bord de la faillite et on les laisse face à un ultime recours, s'aligner. Le bio, c'est juste... pour aguicher notre regard sur l'avant-scène, histoire de pas trop voir derrière ce qui perdure. On est baisé jusqu'à la moelle. Ouais. C'est une fille qui écrit. Hein. Ouais. J'adore quand vous parlez comme ça, les nanas. Là. Bah oui, c'est vraiment bien. Elle a quoi. Totalement raison. Mais oui, on est baisé. Voilà. Et personne ne bouge. Alors les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, que ça serve à quelque chose, à faire passer l'information. Moi, j'aurais rêvé que vous soyez 50 000, 100 000 à écouter cette émission. Bon, vous serez environ entre 18 et 19 000, peut-être même 20 000. Mais... c'est vachement important ce que l'on est en train de faire là. Et si vous le faites pas pour vous, ben faites-le pour vos enfants. Si vous le faites pas pour vos enfants, ben faites-le pour les enfants de vos enfants. Ce que tu viens de dire. Ben pour nos enfants, il est urgent de le faire. Parce que quand on regarde les chiffres, je veux dire, un enfant sur 440, c'est une école. Hein, aura le cancer avant l'âge de 15 ans, dont la moitié avant l'âge de 5 ans, c'est terrible. Ça veut dire 200 enfants avant l'âge de 5 ans auront un cancer. On va la faire, hein, cette émission avec Sylvie. Oui, oui, d'ici le mois de juin, le mois de juillet, on verra pas au mois d'août, hein, parce que je me barre aussi, hein. Elle va aller bouffer des OGM. Non, mais je déconne. Non, mais c'est vachement important. Faites passer, s'il vous plaît. Va bouffer des fruits de mer au mercure, c'est meilleur. C'est que... fini, c'est fini tout ça. C'est meilleur que le pangas. Mais oui, mais voilà, bon, alors, on est dans la merde. On est dans la merde. Ça, on y est, ouais. On y est, d'accord? Et c'est pas les politiques qui vont nous en sortir. Non. C'est nous qui nous en sortirons. Absolument. Par nous-mêmes. Et on n'est pas des candidats à une élection quelconque, Claire, Sylvie et d'autres. On est là pour vous dire, faites gaffe, quoi. Faites gaffe. Moi, je tiens à vous, ce que vous viviez le plus longtemps possible pour écouter mes émissions, hein. Et puis l'émission avec Claire Sévrac et puis d'autres. Non, mais c'est surtout que c'est d'une injustice terrible, quoi. Autant, effectivement, qu'avant, quand on envoyait les mecs dans les tranchées se faire trouer la peau, au nom d'une idée dont tout le monde se foutait. Mais là, on nous fait marcher pareil, hein. On nous fait marcher pareil. Donc, et on empoisonne nos gosses. Donc ça, c'est quand même hyper... Allez, je vais vous faire entendre une chanson qui n'est jamais passée sur les ondes. Si, si, hein. Il y a un couillon qui s'appelle Carton, qui passe cette chanson de Stéphane Kern de temps en temps. Je ne l'avais pas oublié, mais j'avais pas de raison de diffuser cette chanson de Stéphane Kern. Elle est un peu longue, elle dure 6 minutes 07, mais vous verrez, le temps passe vite à l'écoutant. J'ai bien la guérisse. Concerné par ces massacres qui ont lieu à travers tout le pays, les éléphants ont été mis puisque le dernier a disparu hier. Écoutez la radio, la télé, des infos, imprimez les journaux, déprimez les rangs, écroulez les gratte-ciels, les airs qui auto, qui sont ces sentinelles au sommet de Rio, qui d'un regard solennel contemple le chaos, énumère les séquelles, nous vendent des placebos, en brûlant sur l'autel, embrumé de la zone, sous ces lambeaux de ciel, tout ce qui reste d'ozone, attendent-ils le grand dégel attendu pour bientôt, notre tour de Babel risque d'avoir bien chaud. Les atolls, la mer est un caveau, funeste nécropole, amère sont ses rouleaux, des glaciers privés d'eau et des fleurs sur la banquise, encrassés tous les coraux des poissons tropicaux, nage même à Venise, qui se noie sous les eaux, et toujours et encore, gâcher ce qui est beau, gaspiller ses trésors, casser tous ses cadeaux, bien sûr nous avons tort de tutoyer l'échafaud, de jouer la mise à mort des joies comme des joyaux. La nature est en guerre, la planète en travaux. La palette est austère, regardez le tableau. Donnons-lui un peu d'air, un instant de repos. Plus un sursis salutaire pour soigner tous ces maux. Un espace en jachère où poser son lourd fardeau. La grippe avait hier un bien moins grand fléau. Des peuples à l'agonie défendent encore leur terre. Voyez l'Amazonie, son immense calvaire. Si loin du paradis, toutes nos fleurs artificielles sont peut-être immortelles, mais pas les animaux. Et mon cœur est comme noué quand je pense à Noé. Son arche est un radeau coulant sous l'arc-en-ciel. Les notes de Jéricho, violon de laquelle l'homme égorge l'agneau et abhorre les baleines. Humilie les taureaux et méduse les silènes. Et ventre les cachalots et massacre à la chaîne. Sans aucun distinguo, flamant rose manchot. Les anges aigles royaux, colombes signe d'en haut. Comme Simon de Cyrène, je crois soutient mon credo. Comme l'œil de l'éternel voit nos crimes et nos prières. Comme Cain Abel, que fouettons de nos frères. Perdus ces hirondelles qui n'ont plus de saison. Les cigognes si ponctuelles ignorent même nos maisons. S'éloignent dans le ciel cherchant d'autres horizons. Loin du bruit des diesels et loin de la pollution. En quête d'archipel, sans gris et sans goudron. Et nos barils de brut dégorgent sur les côtes. Et dans les champs on brûle des milliers de troupeaux. diable a réalisé des sauts, et ce lourd secret là-haut qui des yeux nous regarde. Manipuler des gènes pour faire naître des clones, non plus rien ne vous gêne, aime créer des cyclones et jeter l'anathème sur la flore et la faune. Vous noyez le Bangladesh, l'on crève de faim, l'Érythrée se dessèche, aucun mal n'est bénin. Allez si long, au final que fait-on? On abreuve les elfes du sang de nos nations. Homo sapiens s'arrête, les frais voient les dégâts. Tant de bêtises, mais pas trop de chair à canon. Des génocides, de la haine, des victimes par millions. Cette terre que l'on saigne, qu'on torture sans répit, faudrait qu'on y renseigne, elle n'a pas plusieurs vies. Aux enfants qu'elle enseigne l'amour et la vertu. Pour un nouveau départ, qu'ai-je fait, que feras-tu? Pour tirer du cauchemar notre mère que l'on tue. De la Nouvelle-Orléans au Kilimanjaro, nous te dédions ce chant jusqu'à l'ère du verso, qui l'emporte très loin comme un hymne tout dément. Et nous unissons enfin pour vaincre l'indifférence. Dernière chance, c'est notre calypso, notre terre, c'est l'urgence, diamant bleu, perle, nous. Voilà, il s'appelle Stéphane Kern et vous n'en entendrez jamais parler sur quelconque radio. Qui existe. Alors, avant de nous séparer, tu disais, Claire. Il est super, son titre. Très bien écrit, en plus. C'est très, très chouette. Vraiment, très, très. Un hymne à la terre. Mm. Tu me permets de lire ce passage, qui n'est pas de toi. Je pense depuis longtemps que si un jour les méthodes de destruction de plus en plus efficaces finissent par rayer notre espèce de la planète, ce ne sera pas la cruauté qui sera la cause de notre extinction, et moins encore, bien entendu, l'indignation qu'éveille la cruauté, ni même les représailles et la vengeance qu'elle s'attire. Mais la docilité, l'absence de responsabilité de l'homme moderne, son acceptation vile et servile du moindre décret public, les horreurs auxquelles nous avons assisté, les horreurs encore plus abominables auxquelles nous allons maintenant assister, ne signalent pas que les rebelles, les insubordonnés, les réfractaires sont de plus en plus nombreux dans le monde, mais plutôt qu'il y a de plus en plus d'hommes obéissants et dociles. Et c'est pas le premier couillon venu, c'est Georges Bernanos. Ouais. Mais il a raison. Il l'a dit il y a quelques années, quand même. Comment tu l'as retrouvé, ce passage? Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus, maintenant. Oui, j'écrivais ce matin à 5h30. Il est grand temps que je revienne sur la Web TV Radio Étoile du Cœur, lundi 13 mai 2013, avec Claire Sévrac. Plus de 50 000 personnes de l'ex-Allemagne de l'Est communiste ont servi de cobayes pour les groupes pharmaceutiques occidentaux, souvent à leur insu. Et certains y laissant la vie, selon un article de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, paru hier dimanche. Au total, ce sont plus de 600 études dans 50 cliniques qui ont été menées jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. Détail Der Spiegel, qui se base sur des documents inédits du ministère est allemand de la Santé ainsi que de l'Institut allemand des médicaments. Et qu'un chien d'écrire mais si on savait tout ce qui s'est passé en Allemagne à cette époque, et ces asiles de fous, sordides secrets, Mazette. Eh oui, mais de temps en temps... Plutôt que d'aller défiler sur l'Arc de Triomphe, il serait bien de remettre en avant ce qui nous est caché. Je te laisse la conclusion de ces 2h37 d'émission. Je crois qu'on a un peu tout dit. Enfin, je pense que le message à faire passer, en tout cas, c'est d'expliquer aux gens ce qui se passe et de leur dire qu'il faut pas avoir peur, parce qu'ils nous tiennent par la peur. C'est-à-dire, ils font peur aux gens en disant, si vous vous faites pas vacciner, j'ai reçu un truc là pour ma fille, elle a reçu un truc pour pour son bébé. Elle n'a pas été vaccinée contre la rougeole, c'est une maladie qui tue énormément, etc. Ils nous font peur, et les gens ont peur, et donc c'est Sylvie qui dit, je pense que s'il y avait, Dieu sait qu'elle est contre les vaccins, ouais. Elle dit s'il y avait un vaccin qui est utile au monde, ce serait de faire un vaccin contre la peur. Et je pense qu'elle a raison, il faut arrêter d'avoir peur. Mmh. Tous les gens qui ont fait vacciner, toutes les mères qui ont fait vacciner leur enfant contre le soi-disant cancer du col de l'utérus, c'est parce qu'elles ont eu peur, parce oui. qu'elles-mêmes avaient eu des cancers de l'utérus, etc., et qu'elles voulaient pas que leur fille ait ça. Mais c'est aussi une façon d'asservir le peuple. Voilà. La peur. Et ayez donc, peur de la peur, ça ira mieux. Il faut qu'on ait peur de tout. Il faut, d'ailleurs, c'est leur façon de faire. Ils créent la peur, et puis voilà. Donc ça, c'est un truc à éradiquer d'entrée. Ne pas écouter ce qu'ils disent, ne pas avoir peur, apprendre à dire non si on en a envie. Et à faire ce qu'on a envie de faire. Et puis voilà. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de nous croire, hein. Démerdez-vous, oui, voilà. Hein. Exactement. Oui, nous, on a fait notre boulot. Maintenant, de votre côté, informez-vous. Elisabeth, bisous. Elisabeth, contente de te voir. C'est quoi le titre de la chanson de Stéphane Kern? Je pense que je vais la mettre sur Facebook. Non, je pense pas. Non, mais je vais la mettre sur mon forum. Ça s'appelle Notre Terre. Ça va, Elisabeth? Et puis à bientôt, on va se revoir. Donc la conclusion de cette émission provisoire. C'est apprenez à dire non. Rebellez-vous, indignez-vous, tout ce que vous voulez. Arrêtez de vous comporter comme des moutons et d'avoir peur. Révoltez-vous. Exactement. Arrêtons de nous indigner parce que l'indignation, ça sert pas à grand chose. Révoltons-nous. Rallumons les étoiles, comme disait Guillaume Apollinaire. Et puis vivons. Et puis disons parce que... non quand on sait qu'on est en train de se faire empoisonner. Faut remettre les choses à leur place. Est-ce qu'on a envie de se faire empoisonner? Non. Donc on arrête de bouffer du poisson. Poison. Et du poisson. Le lapsus. Les deux. Mmh. Donc le poisson. Ouais. Le prochain livre, tu as déjà commencé de l'écrire. Ah oui, oui. Toute seule donc. Oui. Pas avec Sylvie. Mais on va en faire un autre avec Sylvie après, oui. Aussi. Ouais, faut vous dépêcher avec elle. Hein. Faut te dépêcher. Hein. Oui, alors tu vas reprendre le même sujet ou. Non, c'est la suite. C'est là où je m'étais arrêtée. Hein. À l'époque, je me suis arrêtée en me disant bon, si on fait son potager, si on fait attention, si on arrête d'écouter ce que disent, on a une chance de passer au travers. Maintenant, j'ai compris que c'était beaucoup plus grave que ça. C'était pas juste pour gagner du fric sur notre dos avec les médicaments ou avec la bouffe. C'était tout. C'était l'air. C'était l'eau. C'était une volonté beaucoup plus importante de s'attaquer à l'humanité, oui. Et oui, comme l'écrivait Kaïchien, on est baisé. Mais bon, hein, à un moment, hein, non, on n'est pas baisé. Ça hein. peut changer. Enfin, y en a, enfin, je veux dire, parmi nous, il y en a beaucoup qui seront baisés. Mais si on se rebelle pas, on pourra jamais changer les choses. Si on se rebelle et si on dit non et si on refuse de faire, c'est trop facile pour eux. Ils nous disent mangez ça, on le mange. Prenez ça, on le prend. Il faut accepter d'avoir une vie un peu moins confortable et ne pas se faire empoisonner. Eh ben, je suis très content de t'avoir retrouvé. Eh ben, moi aussi. Et tu m'écrivais et ça m'a fait très plaisir que je rebondissais toujours sur mes pieds. Toi, tu es pareil, hein. Quand on te fout dehors par la fenêtre, tu rentres par la cheminée. Si c'est la cheminée, tu rentres par la cave. Tu trouves toujours le moyen de rebondir, Claire Sévrac. Je trouve ça génial, moi. C'est-à-dire que il y a tellement de choses qui m'intéressent. Je suis une curieuse de nature. Donc voilà, moi je comprends mal que quand j'entends des gens qui s'ennuient, c'est un truc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu l'as vu, on commence à être une bonne petite équipe, hein, de personnes qui m'ont rejoint. Il y a une voix féminine, mais tu y penses, hein, c'est pas une obligation, mais si tu veux ton émission une fois par mois, ici, c'est pas très loin. Ouais, écoute, c'est gentil, mais pas tout de suite, parce que là, je peux pas tout faire. Non, mais il n'y a pas de feu au parc lac de Montsouris. Mais avec plaisir, hein. Oui. Tu vois, après, tu pourrais venir avec tes invités. Moi, personne m'emmerde, je ferai ma technique. Toi, tu veux partir en vacances, c'est ça? Non, je reste. Hein, je reste parce que la technique, il n'y a que moi qui veux m'en occuper. Non, mais tu sais, je l'ai proposé à Elénor qui a créé une émission sur le Moyen-Âge. Vraiment très très beau, ça a très très bien marché. Isabelle va nous rejoindre au mois de septembre. Tu vois, une fois par mois, ça demande pas 2 heures, c'est quoi. Tu vois, et puis tu pourras faire bénéficier les internautes de plus en plus nombreux qui nous regardent, enfin qui vous regardent et qui nous écoutent. Tu vois, voilà, tu fais ce que tu veux. Okay. Ici, tu es la bienvenue, en tout cas. Merci beaucoup. Bisous, je t'aime. Bisous et puis, à vous. Gardons-nous la main. Et puis, écoutez la télévision. Surtout, vous l'écoutez, la télévision. Mais quand les programmes sont finis sur la Web TV Radio Étoile du Cœur, générique. Alors voilà, l'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, comme ils disent à la télévision. Demain, 17h-19h, vous retrouverez en direct Maxence Layet, qui recevra Athanase Vantchev de Tracy. Alors évidemment, le nom ne vous dit rien, mais c'est un poète, cet homme-là. Il est le traducteur de l'écrivain kazakh Adjinami Nurfeksov. Athanase Vantchev de Tracy a écrit 46 recueils de poésie, des épopées, des odes, des sonnets, des bucoliques, enfin, ça fera du bien d'écouter ces deux hommes. Maxence Layet demain, 17h-19h sur la Web TV Radio Étoile du Cœur. Vous pouvez la regarder à la télé. Vous regardez trop la télévision, bonsoir.